Ce podcast est soutenu par les éditions de livres audio scientifiques de Vive Voix. L'été arrive et on a cédé à la mode des magazines féminins. Ce soir, on parle de régime. Non, pas tapé. On va parler de régime de manière scientifique, à notre façon, en débunkant les idées reçues, en apprenant des choses. Et tout cela grâce à notre exceptionnelle auditrice, transcriptrice et maintenant auteure de dossier Stéphanie. Nous sommes le 17 mai 2016 et c'est l'épisode 260. Bienvenue! Bonsoir à tous, on fait un petit tour de table, donc autour de la table ce soir, qui est une table purement virtuelle, on a Pascal, salut Pascal. Salut. Il va falloir qu'on trouve un titre Pascal, mais qui donc est l'homme des coulisses, bientôt grande prêtresse. Depuis Baltimore, on a Joanne, salut Joanne. Salut. Et surtout, donc, nous avons notre invité que vous avez déjà entendu ou entendu parler, selon quels épisodes vous avez pu entendre, Stéphanie. Bonsoir. Voilà, et puis au programme de ce soir, donc un magnifique dossier sur comment qu'il faut manger. Quelques plugs, le pitch de la semaine prochaine, et puis ce sera tout. Et donc je propose qu'on laisse la parole à Stéphanie, à moins qu'il y en ait d'autres qui aient envie de raconter leur vie. Non, c'est bon. Et bien c'est à toi. C'est parti, merci. Alors, maigrir avant l'été, le régime en 4 semaines, moins 5 kilos avant la plage, c'est truc de pro pour maigrir avant l'arrivée de l'été. Régime bikini, comment vous préparer pour la plage, spécial minceur, mon régime sur mesure, ferme et tonique pour l'été. Ces titres, vous les avez forcément vus passer, ils fleurissent en couverture des magazines, dans les bannières de pub de vos sites préférés. Rien que la recherche régime pour l'été m'a renvoyé 3,4 millions de résultats dans Google, la version anglaise Summer Diet 147 millions. Bref, difficile d'éviter ces messages, principalement cette saison. Atkins, Weight Watchers... Et donc, tu as testé les 147 millions un par un, c'est ça? Mais évidemment, sinon, c'est pas scientifique. Non, hein, je veux dire, je me suis abstenue d'augmenter le trafic sur ce genre de site. Pardon, je te coupe, continue. Il n'y a pas de souci. Voilà, Atkins, Weight Watchers, Ducamp, Paléo, South Beach, Slim Fast, 5-2, tous les autres. Tous différents, mais finalement tous pareils. Je vous informe qu'en matière de régime, je suis du parti de Jean-Philippe Usan, je préfère la chute libre. Vous remarquerez que j'arrive à placer un épisode de 3 heures sur la relativité générale dans n'importe quel dossier, ça c'est du numéro d'équilibriste. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que je ne suis pas médecin, je ne suis pas votre médecin, donc si vous avez un problème médical avéré, un régime alimentaire réfléchi et discuté avec un professionnel, ne l'arrêtez pas suite à ce que je vais raconter. Si vous envisagez d'avaler des sachets en prévision de la plage, par contre là on a des choses à se dire. Les sources principales de ce dossier sont mon cours de biochimie physiologique et nutritionnelle de l'Université catholique de Louvain, les dossiers de la FAO et le livre de Sylvain Duval sur les régimes. J'ai entendu son interview dans une émission de La Tête au Carré sur les régimes et je vous mettrai le lien dans le dossier. C'est assez intéressant, il y avait un nutritionniste qui était également invité. Tu veux dire qu'il y a des livres qui parlent de régime et qui valent le coup d'être lus ? Peu, mais celui-là, en fait, je pense qu'il l'appelle le guide des régimes et en fait, ouais, ça débunk tous les concepts et tous les régimes se font désinguer un par un dedans. Donc, d'accord. Celui-là, il vaut la peine d'être lu. Un peu, enfin, nettement plus que ceux qui t'expliquent quoi manger. Bon, du coup, on va entamer ce qu'est un régime. Hein. Wikipédia nous dit que le terme vient du latin regere, diriger, et qui peut être utilisé dans le sens politique, économique, en droit ou en science, et nous, c'est ce dernier sens qui nous intéresse. On parle de régime alimentaire, qui définit la façon dont un organisme se nourrit, et de régime alimentaire amaigrissant, qui est défini comme une pratique alimentaire destinée à perdre du poids. Nous y voilà, pourquoi, comment, et quels sont les réseaux adipeux qui contrôlent tout ça. Bon, là c'était du teasing, mais avant, pour vous exposer comment ça marche tout ça, je vais commencer par vous expliquer de quoi est constitué un être humain, ce qu'il consomme pour vivre et survivre, les bases du métabolisme, d'où est-ce que notre organisme tire son énergie, comment est-ce qu'il la stocke et comment est-ce qu'il l'utilise. Alors, à la base, qu'est-ce qu'on trouve dans un être humain ? Ce qu'on appelle le niveau tissulaire, pour un homme de 70 kg, ça va être lui tout du long, hein. C'est notre cobaye. On trouve 40% ou 28 kg de muscles, environ 20% de graisse, donc ça fait près de 15 kg, c'est la fameuse masse grasse, pour une femme ce sera un peu plus élevé. 5 kg d'eau, 5,5 litres de sang, 3 kg de peau et un foie de 2 kg. C'est lourd un foie, et pas que quand on boit. Au niveau moléculaire, donc toujours un homme de 70 kg, il y a 60% d'eau, 42 kg, ça fait beaucoup d'eau. 13 kg de graisse, 10 kg de protéines, 3,5 kg de minéraux et 350 g de glucides. Pour les graisses, il y a 90% qui sont mobilisables. On va voir ça plus après. Donc ça, c'est la structure de notre organisme. Pour la faire fonctionner, on a des besoins énergétiques. Cette énergie, elle nous permet d'avoir des activités physiques qui impliquent un travail musculaire, ça on y pense immédiatement. Mais en premier lieu, cette énergie sert à la maintenance des fonctions du corps, donc battement cardiaque, mouvement respiratoire, à la maintenance des réactions chimiques qui se passent en permanence dans notre organisme, donc la synthèse des protéines, le transport de molécules, la production d'hormones, et au maintien de ce qu'on appelle l'équilibre de l'environnement interne. Donc ça, c'est la composition des cellules, le renouvellement des constituants cellulaires, et enfin, le maintien de la température corporelle. Donc le simple fait de maintenir notre organisme en vie consomme énormément d'énergie. Je vais vous détailler ça tout de suite. Donc, pour quantifier ça, on commence avec les dépenses du métabolisme de base. C'est ce que je viens de vous expliquer. Pour notre cobaye de 70 kg, le métabolisme de base est d'environ 1300 calories. Pour assurer ses fonctions vitales. Donc c'est la moitié à deux tiers des besoins énergétiques totaux. Il y a les dépenses liées à l'activité physique. En fait, on les exprime sous la forme d'un rapport, qui est le ratio d'activité physique. Donc c'est calculé en... Donc c'est un ratio avec l'énergie dépensée en réalisant une activité sur l'énergie dépensée au repos, donc le métabolisme basal. Ça va de 1, ça c'est lire couché dans son lit, regarder la télé, on n'a pas de travail musculaire, à 8, qui est une activité physique extrêmement intense. Pour ce qui est du travail, on considère que le travail de bureau, c'est 1,7, et du travail manuel, c'est environ 4,5. À partir du travail de bureau, c'est 1,7. C'est ça. C'est quand même assez élevé, en fait. 1, c'est ne pas en glander une. Ouais, non, je sais bien, mais je pensais que c'était moins que ça, en fait. Ça veut dire que quand on travaille au bureau, on consomme quand même un tout petit peu, quoi. C'est ça. Bon, en même temps, tu consommes déjà beaucoup rien que pour vivre, hein, donc... Ouais. Et donc, on travaillait allongé, peut-être qu'on consommerait encore moins qu'1,7. C'est ça, d'où le fait que travailler debout consomme un peu plus, parce que tu dois te maintenir debout. C'est pour ça que la mode du bureau debout, parce que c'est le fameux sitting is the new smoking. Tu me diras si c'est une bonne chose, parce que j'hésitais à en acheter un, justement. Ça marche très bien aux États-Unis. Moi, ils ont tous ça ici. Mais vraiment, tous. Genre, il y en a 5 dans mon propre bureau, il y en a 3 ou 4, quoi. C'est... Bon. Sur nous, tu fais le français et tu restes assis. Moi, je suis gros, moi. Je... Donc, je peux parler tout de suite du bureau debout, hein, si vous voulez. En fait, il y a une étude qui a montré qu'il faudrait ne pas rester assis plus de 6 heures par jour, ce qui n'est pas possible parce qu'on reste allongé plus que ça pour dormir. Et donc, en fait, se lever une fois par heure, c'est déjà pas mal. Ça a un bon effet aussi, on n'est pas obligé de rester debout tout le temps. Mais se lever, ça veut dire quoi? On se lève et on se rassoit? Alors non, en fait, on est supposé marcher debout comme un con, mais sinon, aller voir quelqu'un, ça marche plutôt pas mal en fait, c'est nettement moins ridicule. Genre 20 secondes quoi. Ouais, plutôt que d'envoyer un mail à quelqu'un qui est à l'autre bout de ton bureau, tu te lèves, tu vas le voir, tu reviens, voilà. D'accord, mais toutes les heures. Ouais. Et en plus, tu sauves la planète. Parce que c'est si pas, c'est bien pas beau ça. Moi, j'envoie des slacks à mon voisin, alors je vais te dire... Bah. Tout va bien. Tout va bien. Tant que t'envoies pas des snaps à tes employés, tout va bien. J'en reviens à mon activité physique. Donc à partir des valeurs du ratio d'activité physique et du temps consacré à chaque activité, on définit un niveau d'activité physique par jour. Alors les dépenses d'activité physique, c'est 25 à 35% des besoins totaux journaliers, et puis le reste c'est pour la thermogenèse, donc maintenir la température corporelle aux alentours de 37 degrés Celsius. Les besoins totaux en énergie sont calculés en multipliant le métabolisme basal par le niveau d'activité physique. Donc pour le cobaye de 70 kg, ça fait dans les 2500 calories par jour. Alors, ces calories, elles sont apportées par trois principaux nutriments, qui sont les hydrates de carbone ou les glucides, ou sucre, dont le contenu énergétique théorique est de 4 calories par gramme. Les graisses, c'est 9 calories par gramme, et les protéines, 4 calories par gramme. Pour atteindre les 2500 calories par jour, on devrait répartir, c'est des gros guillemets, on va voir ça après, en environ 58% de glucides, ça fait 360 grammes, 30% de lipides, 75 grammes, et 12% de protéines, c'est 75 grammes. Et je suis toujours belge, donc ce sera toujours 70 et 90, indéfini. Il y a d'autres trucs, hein, comme les fibres, les minéraux, les vitamines, mais je vais me concentrer sur les glucides, les graisses et les protéines, parce que sinon je suis encore là à minuit et demi. Et vous, vous ne serez plus là. Donc voilà, je vais commencer avec ceci. Je vais commencer par les glucides d'ailleurs. On peut les diviser en trois groupes. Ce sont les monosaccharides ou sucres simples. C'est le glucose ou le fructose. Eux, ils vont traverser la barrière intestinale sans être modifiés par les enzymes digestives, en fait, quand on en mange. Et il y a les dipolysaccharides, comme le lactose, donc le sucre du lait, l'amidon ou le glycogène, on va en reparler, qui sont convertis en glucose en fait, par les enzymes digestives. On va en profiter pour enterrer définitivement les termes sucre rapide et sucre lent, un peu à leurs âmes. Une fois digérés, tous les glucides se retrouvent sous forme de glucose dans le sang. On a cru pendant longtemps que la vitesse d'absorption du glucose dépendait de la structure des glucides, donc s'ils étaient complexes, ils allaient être plus lents à digérer et donc moins augmenter le taux de glucose dans le sang par rapport au simple qui allait passer directement. Sur le papier, ça se tient super bien, mais en fait, c'est pas constaté par l'expérience. Donc, c'est plus lié à l'aliment dans son ensemble, la vitesse à laquelle le glucose va être absorbé. Donc, une fois que le glucose est absorbé, il circule dans le sang et il est utilisé par les cellules, notamment pour produire de l'énergie via la glycolyse. Je ne vais pas me lancer dans les détails dans la glycolyse, même si j'adore ça. Mais pour ceux que ça intéresse, je mettrai les cycles dans le dossier. Donc sachez juste que ça a pour but de produire des molécules d'adénine triphosphate, donc c'est l'ATP. L'ATP, c'est la molécule qui fournit par hydrolyse l'énergie nécessaire aux réactions chimiques du métabolisme. Donc on fait tout fonctionner avec ça, ou presque. Le glucose peut être stocké dans les muscles ou le foie sous forme de glycogène. Ça, c'est son mode de stockage à court terme. Et dans le foie et le tissu adipeux, il pourra être métabolisé sous forme de graisse s'il y a déjà assez de glycogène. Je fais un petit aparté sur le cerveau qui fonctionne pratiquement qu'avec du glucose. En plus, il ne peut pas faire de réserve sous forme de glycogène. Il ne peut pas utiliser d'acide gras. Donc, il a besoin d'un apport constant via la circulation sanguine. Il a besoin de 100 mg de glucose par minute, donc 144 g par jour. Et c'est un junkie, le cerveau, il lui faut sa dose de glucose. On va voir après 144 pourquoi. 144 g par jour. C'est ça. Ça alors, veut dire que les grammes de glucose, c'est comme des grammes de sucre, globalement, ou pas, ou alors, c'est pas en fait, pareil. Ce qu'on appelle le sucre de table, c'est du saccharose. D'accord. Mais si vous visualisez un kilo de sucre de table, votre cerveau va utiliser ça sur la semaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'envoyer un kilo de sucre, d'accord ? C'est juste une représentation, mais le cerveau a vraiment besoin de beaucoup de sucre, beaucoup de glucose, et donc il va s'en procurer par différents moyens. Mais voilà, j'aimerais bien aussi par là vous montrer que la diabolisation du sucre, c'est un petit peu la base de... On en a besoin pour vivre. Donc c'est pas pour ça qu'il y a besoin d'un kilo de bonbons, hein, mais voilà, si on pouvait arrêter de dire du mal du sucre, votre cerveau serait content. Donc 144 grammes par jour, ça fait beaucoup. On utilise 180 grammes de glucose par jour, donc c'est vraiment le cerveau qui en prend la majeure partie, quoi. Et par rapport à tes histoires de qu'est-ce qu'on consomme en étant au bureau et tout, si on a une forte activité intellectuelle, on consomme plus ? Alors j'ai pas de chiffres, mais ça semblerait logique. En tout cas, c'est des constats juste expérimentalement, j'ai pu le constater chez moi. Mais je me doute que ça paraît logique, mais je me demandais si c'était le cas, si c'était mesuré. Ça, tu sais pas du coup. Ça, je ne sais pas. Okay. J'aurais tendance à dire que oui, ça semble logique vu qu'on utilise la matière grise pour réfléchir et que donc elle a besoin d'apport énergétique. Parce que je sais bien que le cerveau c'est juste la matière de l'esprit, ça c'était pour faire un petit coucou à Franck Ramu, mais il faut quand même bien faut la nourrir quoi, cette matière. Donc si elle est plus utilisée, elle va consommer plus d'énergie. Si faire plus de kilomètres avec sa bagnole, ça va consommer plus d'essence. Ça semble logique. Enfin, oui, ça c'est une moyenne, je veux dire aussi, le 144 grammes par jour. Je pense qu'il y a des jours où ça va être 130. Bon, tu vas y venir et puis ton dossier est long, donc je vais arrêter de te couper. C'est ça. Mais c'est amusant parce que ça donne envie, on est presque à se dire, ok, donc là je prévois une grosse activité intellectuelle, donc je vais aller acheter des bonbons. Quoi. Oui, mais après on tire le glucose de plein d'autres sources que juste le sucre pur. Hein. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire attention. Je veux dire, là, votre cerveau aujourd'hui a utilisé plein de sucre et vous n'en êtes pas rendu compte. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'augmenter Non, Haribo, je ne suis pas sponsorisée par Haribo pour vous dire que votre cerveau utilise du sucre. Bon, je vais en arriver au gras parce qu'on veut bien se marrer avec le gras aussi. Les lipides, ça englobe toutes les graisses comestibles de l'alimentation humaine. Et ce sont surtout ce qu'on appelle des triglycérides. Donc c'est une molécule de glycérol et trois acides gras. Ce sont des chaînes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Il faut imaginer comme un peigne à trois dents avec le glycérol qui est la tête du peigne et puis les acides gras qui sont les trois dents. Et puis quand on en a besoin, on casse les dents du peigne. Donc les acides gras à chaîne courte, donc les petits acides gras, ils sont utilisés dans le côlon pour la production d'énergie. À chaîne moyenne, ils sont transportés vers le foie et stockés sous forme de triglycérides. Et les acides gras à chaîne longue, ils sont utilisés par les muscles pour produire de l'énergie et stockés dans le tissu adipeux. Donc la graisse, en fait, c'est un moyen vraiment efficace de stocker de l'énergie, parce qu'à poids égal, elle en stocke deux fois plus que les glucides. Donc c'est notre réserve. Et quand les acides gras sont mobilisés au cours de ce qu'on appelle la lipolyse, le glycérol est métabolisé pour rejoindre les sites du glucose, et les acides gras, eux, sont oxydés pour produire de l'énergie. Enfin, le troisième nutriment dont j'avais parlé, c'était les protéines. Et elles sont les principaux constituants structurels des cellules, des tissus, et elles constituent avec l'eau la majeure partie des muscles et des organes. Bon, d'accord, c'est beaucoup d'eau, mais après, c'est des protéines. La composition et le type de protéines varient d'un tissu à l'autre selon qu'elles sont dans le foie, le sang ou bien qu'elles sont des hormones par exemple. Alors, les protéines peuvent aussi fournir de l'énergie, je vais l'expliquer plus tard dans la partie régime, mais elles sont surtout des constituants essentiels des cellules. Donc, toutes les cellules doivent être remplacées à un moment ou à un autre et ce remplacement nécessite des protéines. Notre organisme en consomme environ 150 grammes par jour, une moitié est fournie par l'alimentation et l'autre moitié en fait elle est fournie par les protéines des muscles qui sont détruites pour... qui sont réutilisés en fait. Pour vous aider à synthétiser tout ça, je vais vous donner une petite image. Ouais, imaginez que l'énergie dont vous avez besoin pour vivre soit produite par un feu de cheminée. À côté du foyer, vous avez un panier avec des petites bûches, ça c'est le glucose, il est disponible immédiatement, vous entretenez rapidement le feu avec. Une fois que le glucose est épuisé, vous devez aller chercher des bûches supplémentaires dans le tas de bois qui est à l'extérieur de votre maison. Ça va encore assez vite, même s'il faut mettre son manteau, mais bon. C'est pas loin, ça c'est vos réserves de glycogène. Puis quand le glycogène est épuisé, vous pouvez aller couper du bois. Mais c'est long, puis il n'est pas sec, donc ça brûle moins bien. Ben ça, ce sont les stocks de graisse. Puis s'il y a une tempête de neige et que vous ne pouvez pas aller couper du bois, vous allez finir par brûler des choses que vous ne devriez pas utiliser, comme des livres ou une fine des meubles. Ça, c'est quand les protéines sont utilisées ou un autre truc, mais j'y arrive après. Donc ça fonctionne, mais ce n'est pas vraiment prévu pour. Voilà. Après, il paraît que je suis pyromane quand je donne ce genre d'analogie, mais c'est même pas vrai. Donc, ça va pour le métabolisme, enfin pour les nutriments, le fuel, tout ça. Ouais, ça va à peu près. Ça fait beaucoup de vocabulaire à digérer, mais bon, tu vas nous rappeler au fur et à mesure un peu c'est ce ça. Qui est important, quoi. Grave. Puis retenez les petits tas de bois, ça va aller. Alors, on va en arriver à comment est-ce qu'on grossit. Ouais, avant les régimes, on va d'abord voir comment on devient gros, sinon c'est pas drôle. Ah, ça m'intéresse. Moi, je voudrais commencer par dire qu'être gros, c'est pas une maladie. Hein. Faut voir ce qu'on appelle gros. Il y a des gens qui se battront toujours contre ce qu'on appelle 3 kilos de trop et des gens pour qui le poids est un vrai problème de santé. Et puis, il y a plein de nuances entre les deux. Alors justement, tu vas en parler de l'IMC ou pas ? J'y arrivais. Ah. c'est la phrase d'après. Donc, l'IMC est souvent utilisé pour évaluer le poids d'une personne. Donc, c'est le ratio du poids en kilos divisé par la taille au carré exprimé en mètres. En fonction du résultat, on est classé qu'en maigre en dessous de 18,5, normal jusqu'à 25, en surpoids jusqu'à 30 et obèse au-delà avec des précisions du type sévère et morbide qui sont charmantes à entendre. Ce calcul-là, il est faussé, par exemple pour les sportifs qui sont lourds mais très musclés, ils vont être classés en surpoids, voire obèses s'ils sont vraiment très musclés. Donc ça donne une information, ça a été beaucoup utilisé à une époque. On a aussi remarqué qu'en fait, les gens qui avaient un IMC en dessous de 20 étaient plus malades que des gens qui avaient un IMC entre 25 et 27. Donc la maigreur pourrait poser des problèmes aussi, mais on a tendance à beaucoup moins la considérer comme un problème. Donc voilà, et on a tendance à plus utiliser... Enfin, on conseillerait d'utiliser le tour de taille qui devrait ne pas être supérieur à... 90 cm chez les femmes et 110 chez les hommes. Parce qu'en fait... Sans contrainte de taille, c'est-à-dire un homme de 1 mètre, il faut qu'il fasse cette valeur de tour de taille? En fait, ce qu'il y a, c'est que... Malheureusement, c'est ça aussi le souci, c'est que c'est pas très, ça prend pas énormément en compte, mais le stockage de graisse donc au niveau de la taille est vraiment problématique. D'accord. Donc, on a remarqué que contrairement aux graisses qui sont stockées dans les cuisses, par exemple, la graisse abdominale va produire plus d'hormones, notamment du cortisol, donc l'hormone de stress, et donc elle va beaucoup plus interagir avec le reste de l'organisme, alors que quand c'est stocké, par exemple, dans les cuisses, c'est vraiment plus du tissu de stockage, en fait. C'est plus prévu pour que la graisse abdominale qui ouais, est plus associée à... Donc, faire moins de combien de tours de taille que je note ? 110 pour un homme. 110 pour les hommes, et t'as dit 70 pour... Non. 90 pour les... Donc, j'ai bien dit 90. Hein. Il n'y a pas de 90, 60, 90, quoi que ce soit. C'est 90 pour les femmes, c'est voilà, ça ? 90 pour les femmes et 110 pour les hommes. Et d'accord. Ça aussi, il y a une époque où on disait 1 mètre pour les hommes et 80 cm pour les femmes, et c'est passé à 90 et 110. Donc voilà, ça c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés pour les risques. En dessous de ça, on n'augmente pas les risques cardiovasculaires, enfin, liés à la graisse abdominale. C'est plus intéressant que l'IMC. Pour continuer là-dessus, en fait, le pourcentage de masse maigre, donc les muscles, c'est un facteur prépondérant à considérer avec l'activité physique. Le muscle participe au métabolisme, donc plus vous êtes musclé et plus vous allez consommer d'énergie pour maintenir vos muscles. Et le poids ne renseigne pas non plus sur l'activité physique et la sédentarité, qui sont très liées à ce qu'on appelle la bonne santé. Il vaut mieux être un peu gros et actif que mince et sédentaire. Donc le poids n'est pas un bon marqueur de santé globale, l'IMC non plus. Et il y a une étude qui montre qu'il y a deux fois plus de décès qui peuvent être attribués au manque d'activité physique qu'à l'obésité. Donc ça, c'est... voilà, la sédentarité, c'est un vrai problème. C'est pas pour autant qu'on est obligé d'avoir des bureaux debout. Histoire de parler bullshit 5 minutes, moi j'ai une balance qui me donne un pourcentage de graisse. Ça vaut oui, quelque chose ? Que dalle. D'accord. Donc non, ça sert à rien. C'est beaucoup plus compliqué que ça de mesurer le taux de graisse. Et c'est un peu chiant, c'est pas... Ce qu'il y a, c'est que ta balance, elle est biaisée, mais toujours de la même manière, donc oui... Mais si tant est qu'elle n'était pas biaisée par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, on s'en fout, parce que l'intérêt, c'est où elle est, en fait. Exactement. Après, pour un homme, en fait, physiologiquement, les hommes et les femmes ne sont pas faits pour stocker de la graisse au même endroit. Donc les femmes devraient stocker principalement dans les cuisses et la poitrine. D'accord. Ce sont des réserves qui sont faites par le corps en cas de grossesse et d'allaitement, en fait. C'est pour subvenir à ça. Mais de plus en plus, les femmes stockent dans le ventre aussi, comme les hommes. Et les hommes ont tendance à stocker beaucoup plus dans le ventre. Et donc, c'est pour ça que les risques sont plus élevés pour les femmes qui stockent dans le ventre et pour les hommes. Donc, voilà. Et histoire d'être très utile dans tes conseils et compagnie, quand tu dis, du coup, ce qui compte, c'est l'activité, ça, pareil, ils ont mesuré un peu ce que voulait dire activité, parce qu'on entend beaucoup de trucs, surtout en ce moment avec le quantified self, des trucs du genre, il faut faire 10 000 pas par jour, des choses comme ça. Ouais, alors je vais y venir un peu après, mais grosso modo, d'accord, ce qui est conseillé, c'est au minimum 30 minutes de marche par jour. D'accord. Enfin, au minimum, tu dis conseillé en gros, de faire 30 minutes d'activité sportive par jour, sachant que la marche est considérée comme une activité sportive. C'est quoi. Ça, mais ça peut être marcher pour aller au boulot un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Quoi. Ouais. Donc c'est pas énorme en fait. C'est, non, ça se fait vite, hein. Je veux dire, ça s'intègre ouais, vite au mode de vie. Quoi. Parce que 10 000 pas par exemple, c'est plus que 30 minutes, c'est plus de l'ordre d'une heure, une heure et demie, je pense à peu près. Oui, je pense que ouais, il faut quand même. 10 000 pas, ouais, ça, c'est beaucoup, ouais, parce que c'est mon smartphone, moi j'ai découvert que mon iPhone enregistrait mon nombre de pas. Et 10 000 pas, ouais, faut enfin, c'est une bah moi, je l'ai fait une fois, marche, pour, je l'ai fait déjà pour compléter, et en effet, bah, c'est pas rien, quoi. C'est quasiment 5 km, enfin, c'est plus de 5 km, 10 000 pas, parce que tu fais plus d'un demi-mètre par pas, quoi. Donc c'est bonne journée, quand même, 5 km, marcher de 5 km. C'est ça, donc, voilà, ce que j'ai lu encore ce matin, c'était une demi-heure de marche. Pour, enfin, juste, c'est pas pour perdre du poids ou quoi que ce soit, c'est, voilà, pour... pour maintenir un minimum d'activité physique. Quoi. Il y a en dessous d'une demi-heure de marche par jour, bougez pas assez. D'accord. Sachant que ça fait deux fois un quart d'heure, donc il y a qu'il y a moyen. Enfin, je pense que c'est ouais, du domaine ça, du possible. J'imagine que ça dépend des vies et compagnie. C'est vrai que dans les grandes villes comme Paris, ça paraît dur de faire moins que ça, parce que ne serait-ce que le trajet professionnel, il y a de ça. Mais après, pour les gens qui travaillent de chez eux, par exemple, je pense que c'est des choses où on y arrive très vite. Quoi. Oui, il faut se forcer à se lever et à marcher. Quoi. Et là, pour le coup, il faut aller quelque part, parce que ça demande plus que les 2 minutes pour aller à l'autre bout de la pièce pour parler au chat. Quoi. C'est ce que dit Pascal, il faut avoir un chien ou un gamin. Ça pourrait pareil. Ouais, ça dépend si t'es un homme ou une femme, du coup. Pardon. Je peux reprendre ou... Oui, comme t'as un dossier long, on se permet de te couper. Hein. Mais allez-y, je vous en prie. Moi, je suis en train de chercher mon maître ruban, mais tu peux continuer. Bah attends, tu fais un sujet qui nous touche tous, donc on se renseigne, quoi. Ouais, j'ai utilisé mon maître ruban, là, pendant que tu parlais. C'est bon, je suis en dessous de la limite. Super. Alors, hop, j'en étais là. Bon, à part, si on exclut les maladies du type dérèglement hormonal, thyroïdien, prédisposition génétique à l'obésité, ben on grossit parce qu'on mange trop par rapport à nos besoins alimentaires, parce que c'est un mécanisme évolutif notamment, le corps stocke en période d'abondance pour faire face aux périodes de famine. C'était extrêmement efficace quand la nourriture était disponible de manière irrégulière, ça allait beaucoup moins dans nos sociétés où elle est surabondante. J'ai bien conscience que j'ai pas révolutionné votre vision du poids là, mais j'espère quand même vous apprendre 2-3 trucs sur les choses qui nous font grossir et puis pas. Par exemple, le fait de manger des choses grasses ne fait pas forcément prendre du poids. Donc, manger très très gras et au-delà des besoins de notre organisme, oui. Hein. Mais les graisses ne sont pas diabolisées juste comme ça. On ne peut pas avoir une goutte d'huile sur sa salade et les frites, c'est le mal. Non, mais je veux dire, dites pas ça aux Belges, quoi. Le chocolat non plus. Hein. Et puis, vous me voyez venir, j'ai fait les frites, les chocolats, le tiercé gagnant, défense du patrimoine national oblige, la bière non plus. Non, ça ne donne pas du ventre par principe. Ce sont des études sérieuses qui l'ont montré. Alors, je ne dis pas qu'elles n'ont pas été organisées par des Belges, hein, mais la bière, c'est moins calorique que le vin. Après, évidemment, la quantité joue. Mais quand même, moi, je dis Belgium moins. Et en plus, certaines bières, dont dans ta région, sont assez nourrissantes, il me semble. Ah oui, mais une bière égale de tartines, ça, je veux dire, ça, c'est un proverbe belge. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, c'est la partie où Stéphanie perd toute son objectivité. Hein, j'ai regardé aujourd'hui sur niveau calories, et une Guinness est beaucoup moins calorique qu'une Budweiser, par exemple. Donc en fait, c'est pas forcément le. Enfin, on pourrait se dire qu'une Guinness c'est dense, mais en fait non. Enfin, c'est plus compliqué. C'est que juste ça. Foncé. Quoi. Mais les Budweiser, c'est pas vachement sucré. Je sais plus à quoi ça a comme goût. Bah, c'est une des plus caloriques que j'ai regardées. J'avais trouvé un lien sur toutes les bières, enfin la plupart des bières qui se boivent aux US. Je vais passer à l'eau plate. Hein. Vraiment. Donc, boire beaucoup d'eau, ça ne fait pas maigrir. Voilà, ça c'est dit aussi. Ça vous permet juste d'être bien hydraté, de ne pas avoir l'impression que vous avez faim quand vous avez soif. Ça aide vos reins à fonctionner correctement, mais voilà, la flotte, ça n'a jamais fait partir le gras. Parmi les lieux communs, l'arrêt du tabac contribue effectivement à une prise de poids. La nicotine, ça agit comme un coupe-faim, ça augmente le métabolisme, ça diminue le stockage des graisses. Et en plus, pour certaines personnes, bah, ça signale la fin du repas, donc ça les aide à arrêter de manger. Je ne vous conseille pas de continuer à fumer, encore moins de vous y mettre. Mais par contre, commencer une activité physique en arrêtant le tabac, ça peut aider à vous changer les idées, à ne pas prendre 5 kilos en prime. Ça fait beaucoup de devoir gérer la prise de poids et en plus la dépression liée à l'arrêt du tabac. Mais arrêtez quand même de fumer, c'est bien d'arrêter de fumer. Hein. Je vais plutôt vous parler du fructose. Oui, c'est le sucre qui a tendance à en parler de la prise de poids et tout. Moi, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, le poids varie énormément dans la journée et dans la semaine. Quoi. Ah, ben complètement, oui. Et je pensais pas à ce point-là, en fait. Mais quand tu vois ce à quel point on est constitué de flotte. Que le fait que tu manges plus ou moins salé va augmenter ou pas la rétention d'eau. Que par exemple, le glycogène, c'est une molécule qui est stockée avec 3 fois son poids en eau. Donc si tu fais beaucoup de sport, tu perds le poids de glycogène que tu as utilisé et 3 fois son poids en flotte. Donc tu peux perdre facilement 1 kilo là-dessus. Que tu vas reprendre en buvant. Que tu vas reprendre aussi sec parce que ton organisme va restocker du glycogène, peut-être même un peu plus parce que tu es un peu plus musclé. Et donc il se dit, attends, il va me faire rebosser derrière et donc il y aura un peu plus d'eau qui sera stockée. Donc ouais, c'est... Voilà, ça fluctue énormément parce que on met plus de 24 heures à digérer ce qu'on mange, donc voilà, c'est vraiment, on n'est pas juste un tas d'eau avec un petit coussin de gras, quoi. On est un tas de flotte avec des petits coussins de gras, mais avec des trucs autour. Donc oui, ça varie énormément. et c'est... Enfin, je vais le taper maintenant, comme ça c'est fait. Un kilo de graisse, c'est 9000 calories. Donc, si vous avez bouffé trop un jour, sachant que vous utilisez quand même dans les 2000 calories, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme ou quoi que ce soit, il faudrait que vous en ayez bouffé plus de 10 000. Et encore, elle ne serait pas encore stockée le lendemain pour prendre un kilo de gras. Donc, vous n'avez pas pris un kilo de gras. Vous avez pris 25 grammes de gras et puis 300 grammes de flotte. Et, enfin, bref. Si on ne prend pas un kilo de graisse en un jour ni en une semaine, c'est juste sauf trop si énergétique. Sauf si on essaie vraiment de le faire. Mais je pense que même si tu essaies vraiment de le faire, tu vas pouvoir le faire sur plusieurs jours. Mais l'organisme, en fait, il ne va pas réussir à gérer autant de, ouais, d'accord. Autant de bouffe, quoi. À un moment, je pense que tu vas juste être malade. Ok. Continue. Que, voilà, je crois qu'il va pas être capable de gérer tout ça, donc il va se débarrasser de ce qu'il peut pas gérer sur le coup. Ouais, donc j'en étais au fructose. Le fructose, c'est le sucre qu'on trouve dans les fruits. On conseille parfois aux diabétiques de consommer du sirop d'agave, parce qu'il contient plus de 90% de fructose, et qu'il va pas augmenter leur concentration en glucose sanguin, donc ça, ce qu'on appelle la glycémie. C'est vrai techniquement, hein, ça, le fructose c'est pas du glucose, donc quand il est dans le sang, l'insuline, enfin il n'y a pas de production d'insuline, tout va bien. Sauf que le fructose il est métabolisé directement dans le foie en acide gras. Il n'y a pas d'influence sur les hormones qui font que vous avez plus faim comme le fait le glucose, donc il y a une production de graisse plus importante. Alors, je ne vous dis pas non plus d'arrêter les fruits, je ne vous dis pas de commencer la cigarette, mais si vous avez pris 2 kilos en buvant des smoothies, même que vous faisiez à la maison en vous disant que forcément les fruits c'était bon, c'était sain, donc ça allait être bon pour votre ligne, maintenant vous savez pourquoi. Voilà, c'est la lipidogénèse hépatique, ça s'appelle. Et le vrai problème avec le fructose, en fait, c'est le sirop de glucose fructose. Ça contient 90% de fructose, 10% de glucose, donc on devrait appeler ça fructose-glucose, mais bon. C'est utilisé dans de nombreux produits agroalimentaires pour son fort pouvoir sucrant. C'est plus le cas aux États-Unis qu'en Europe, mais vous inquiétez pas, ça arrive chez nous aussi. Et il est incriminé comme un des responsables de l'explosion de l'obésité dans les pays occidentaux. Parce que, voilà, vous avez du sucre qui est transformé directement en gras et sans envoyer de signaux de satiété au cerveau. Donc, C'est ce qu'on fait à partir du maïs, c'est ça ? Ouais, c'est le sirop de maïs. Ouais. Okay. Mais sur les étiquettes, vous allez voir normalement sirop de glucose fructose. Et le sirop de canne, ça en fait partie aussi ? C'est la même chose ? Non, je pense pas. D'accord. Faut que je vérifie, mais non. Sirop de canne, ça serait plutôt du glucose, du coup. Je pense. Alors, je suis peut-être en train de dire une connerie. Et alors, dans les niveaux, dans les trucs que j'ai ouï dire, je n'ai bien sûr pas de source, est-ce que le miel est meilleur, du coup, quand on veut sucrer quelque chose ? Meilleur que quoi ? Que le sucre que prendre ces exemples-là, ou du sucre de base qu'on a à côté de choix, ou... Alors, c'est... Non, si, enfin, j'ai une info. En fait, ce qu'il y a, c'est que le miel contient d'autres molécules que juste le sucre. Donc, c'est intéressant à boulotter cru. Je rappelle quand même que pas de miel pour les bébés. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que ça va servir à rien si on le chauffe. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais la plupart, tout ce qui est vitamines, tout ça, ça c'est démoli à la cuisson de toute façon. Et ça reste du glucose. Donc peut-être qu'il a un indice glycémique un peu plus faible, mais ça je ne sais pas. Donc c'est pas mauvais de sucrer avec du miel, c'est pas non plus... Et il y a une différence entre le sucre de canne et le sucre de betterave ? Parce que c'est issu d'une betterave, donc on pourrait se dire que c'est plus du fructose dans la betterave, non ? Tout. Vu qu'on est au taquet ce soir. Hein. Tu nous parles de quotidien, nous on y va. Oui, c'est ça. En fait, quand je parle médecine, tout le monde s'en fout. Mais par contre, si je parle de gras, tout le monde est là, quoi. Non, j'ai jamais comparé les... Je veux dire, la canne, c'est une plante aussi. Surtout, si tu sais pas, dis je sais pas. Hein, parce ça, que sinon, non, on va tomber ça. Dans n'importe quoi. Non. Mais j'ai jamais entendu parler d'une différence entre la canne et la betterave, à part... Voilà, tout ce qui est production, que ça se fait d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, mais non, je ne sais pas. D'accord, mais dans les deux cas, de toute façon, c'est du saccharose, non ? De toute façon, la poudre ouais. blanche. Donc oui, oui. Mais donc ça joue, ils sont... Ouais. Okay. Normalement, voilà. Enfin, le but, c'est d'extraire du saccharose, quoi. Mais donc c'est le fructose qui disait que c'était pas très bon, c'est ça? Oui, donc sachant que dans les fruits, les quantités sont pas énormes. On a l'habitude de consommer des fruits. Le souci, c'est quand on en balance des grosses quantités, il y a moyen d'avoir une alimentation dans laquelle tous les produits ont du sirop de glucose fructose ajouté, quoi. Et là, on va avoir des problèmes. Tu parles des produits qui sont beaucoup transformés, typiquement les produits cuisinés, les plats cuisinés ou ces choses-là. Les gâteaux, tout ce qui est biscuits, gâteaux, tout ça. D'accord. Ouais, il y a son petit copain l'huile de palme aussi, avec plein d'acides gras saturés. Mais je ne suis pas rentrée dans les acides gras saturés parce que si je commence avec les graisses, c'est fini. On y passe vraiment la nuit. Donc voilà, si vous voulez que je vous parle spécifiquement du gras, je pourrais revenir parler de... du gras. Le gras, c'est la vie. Mais voilà. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que par exemple, quand Alan en avait parlé, hein, c'était Alan qui avait parlé du 5 fruits et légumes par jour. Je sais que c'était un quiz, mais je ne sais plus qui avait répondu. Ce type d'injonction, les gens vont avoir tendance à faire 5 fruits parce que c'est plus facile que d'éplucher et de cuisiner des légumes. Et en fait, bah oui, les gens peuvent grossir en prenant trop de fruits parce qu'ils envoient des chutes de fructose et que ça va être métabolisé en graisse beaucoup plus rapidement que... Et ça l'est encore plus quand c'est sous forme liquide, comme dans les jus de fruits, que sous forme de fruits entiers, quoi, à mâcher. Je continue ou... Ouais. Ça marche. Ah oui, on arrive à... Il y a deux mains ne meurent jamais dans James Bond, mais dans les facteurs de grossissement, il y a les adipocytes ne meurent jamais. J'exagère un petit peu. Mais le nombre d'adipocytes, donc les cellules du tissu adipeux qui contiennent les graisses, ne diminue plus à l'âge adulte. Les nouvelles cellules peuvent se différencier en adipocytes dans l'enfance et l'adolescence, voire un peu à l'âge adulte. Par contre, même en cas de perte de masse grasse, chez les adultes, les adipocytes se vident, mais ne meurent pas. Donc le seul moyen actuellement pour diminuer le nombre d'adipocytes, c'est vraiment la liposuction. Faut se rendre compte que le tissu adipeux, comme je disais, c'est pas un coussin qui est là. Il est au milieu de tout, il se balade et il produit des hormones. Après, il sert aussi de protection contre certaines molécules dangereuses que le foie ou les reins ne peuvent pas métaboliser ou excréter. Et donc la modification de sa taille, ça a des répercussions sur le fonctionnement de notre organisme et... visiblement, s'il y a une forte augmentation du nombre d'adipocytes pendant l'enfance ou l'adolescence, ça va être un facteur prédisposant à l'obésité et à la difficulté de perte de poids. Paradoxalement, on grossit en faisant des régimes, on va voir comment. Alors, si l'analyse d'un paquet de régimes différents vous intéresse, je vous conseille le bouquin de Sylvain Dumas ou le site du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Je vous mettrai le lien vers la page directe dans le dossier. Pour ma part, je vais principalement voir les problèmes liés à la restriction de calories, les régimes hyperprotéinés parce qu'ils sont à la mode et qui répondent faussement au problème de la restriction de calories. Et puis on va parler de sport aussi, parce que c'est bien le sport. Pour faire perdre du poids, un régime doit être hypocalorique par rapport à ce que vous mangez habituellement, parce que sinon, attention, je parle des régimes tels qu'on vous les vend. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ça, déjà, de base, c'est une bonne manière de perdre du poids ou c'est déjà un peu dangereux de manger de manière hypocalorique? Attends, j'arrive. je vais vous décrire en fait ce qui se passe dans l'organisme et on va partir donc, sur une situation de jeûne qui débute et puis qui se prolonge. Donc, vous avez mangé il y a un certain temps, au début tout va bien, le glucose vient à manquer, mais le glycogène est là pour pallier. Le foie arrête de produire des graisses, il passe en production de glucose. Il faut savoir que le foie, c'est lui qui régule le métabolisme pendant la phase de jeûne. Donc c'est lui qui va envoyer les signaux pour que les autres organes fassent ce qu'ils doivent faire. Dans les muscles, le glucose est métabolisé aussi. Et si le jeûne se poursuit, les muscles vont attaquer les protéines pour produire des acides aminés, donc qui sont les petites briques constituantes des protéines. Et il y a notamment, on parle du cycle de l'alanine, donc c'est un acide aminé. Et ces acides aminés vont être envoyés au foie pour produire du glucose. Là, vous sentez venir l'os. Pourquoi est-ce que je vous parle des protéines avant de vous parler des graisses? hein, d'abord. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des graisses qui sont là pleines d'énergie. Et bon, oui, elles vont être utilisées. Mais donc, le corps a besoin de 180 grammes de glucose, hein, 144 pour notre junkie, le cerveau. Pour produire du glucose à partir des graisses, c'est le glycérol qui va être utilisé. Donc, le glycérol, c'est la tête du peigne. Et pour produire les 180 grammes de glucose à partir du glycérol, il faudrait métaboliser 1,8 kg de graisse. Autrement dit, 16 200 calories. Donc non, en fait, hein, ça ne va pas se faire. Sur la journée, vous n'allez pas métaboliser 1,8 kg de graisse. Ce serait sympa, mais non, parce qu'on n'aurait pas de problème de poids. Donc, ce n'est pas cette voie-là qui est prioritaire pour produire du glucose. Du coup, en cas de jeûne qui se prolonge, ce n'est pas votre graisse qui fond, ce sont vos muscles qui détruisent leurs protéines. Aïe, ça commence déjà à faire mal. Ouais, c'est assez ballot, ça. C'est ça. En plus, le métabolisme des protéines dans les muscles pour produire des intermédiaires au glucose, ça va produire de l'ammoniac. Tu justifies comment évolutivement ça, que quand les personnes n'avaient pas assez à manger, on lui flingue les muscles comme quoi ils ne peuvent plus chasser comme ça. Parce qu'en fait, la graisse, c'est vraiment le tissu de réserve, quoi. C'est le truc dans lequel on va aller taper en dernier quand il y a plus rien. Oui, je sais, ça peut paraître con surtout maintenant, mais c'est parce que c'est super efficace. Donc les protéines, elles sont disponibles plus vite aussi. Tu vois, donc il y a deux choses. Les protéines, elles sont disponibles plus vite, elles vont permettre de faire du glucose, parce que je vais voir juste après en fait ce que les acides gras vont permettre de produire, et eux, ils vont pas permettre de produire du glucose. Donc juste avant, donc le métabolisme des protéines dans les muscles, ça va en plus produire de l'ammoniac, et ça c'est non. Hein, l'ammoniac, ça a rien à faire dans l'organisme, donc c'est pas terrible non plus. Et quand il y a vraiment pas assez de glucose, va y avoir la production de corps cétonique. Donc ça, c'est ce qui est produit par l'oxydation des acides gras. Et ils vont être utilisés dans un cycle qui s'appelle le cycle de Krebs, bon, que j'adore, mais voilà. Je vous le mettrai aussi, c'est mon préféré. Donc si je résume, quand on commence le jeûne, un peu trop longtemps, notre organisme fait tout pour nous montrer qu'il n'est pas content en balançant plein de merde dans notre organisme. Quoi. Mais en fait, il fait ce qu'il peut, tu vois. Il n'est pas prévu pour se faire priver de nourriture drastiquement pour rien. Voilà, donc il a des trucs qui fonctionnent bien, et puis quand il doit passer sur autre chose, ça fonctionne, c'est un peu moins efficace, quoi. Attends, parce que donc les corps cétoniques, je veux dire, un des corps cétoniques, c'est la cétone, et c'est pour ça que les gens qui jeûnent, bah, ils ont mauvaise haleine, parce qu'ils exhalent de la cétone, en fait. Donc on n'en fait rien, la cétone, c'est un corps cétonique, mais qui va pas être utilisé, on le recrache juste. En fait, on produit des corps cétoniques quand il n'y a plus de glucose, parce que ça, le cerveau peut l'utiliser, contrairement aux acides gras, parce que les acides gras vont pas passer dans le cerveau, en fait, ils sont arrêtés par les membranes. Et le cerveau, ça ne lui fait pas plaisir du tout de ne pas avoir son glucose. Hein, je veux dire, c'est là qu'on chope des migraines, des maux de tête, des vertiges. Voilà, ça, c'est l'hypoglycémie qui tape dans la tête. Pour revenir à mon analogie du feu de bois, là, c'est vous êtes en train de cramer des meubles vernis ou du mélaminé. Ça va produire de la chaleur, mais ça sent pas bon. C'est pas ce que vous êtes supposé faire. Et après, vous aurez plus de meubles. Donc voilà, vous pouvez le faire, mais c'est... Donc le jeûne, c'est pas une bonne stratégie. On peut recommencer à manger. Là. Voilà. Donc j'espère que je vous ai vacciné contre le jeûne comme cure détox, hein, parce que. Voilà, c'est juste complètement inutile. Si vous voulez vous détoxifier l'organisme, vous avez un truc qui s'appelle le foie et deux qui s'appellent les reins, et ça marche super bien. Bon, tu vas me dire, je sais pas, mais on sait jamais. Par rapport au jeûne, je sais pas comment appeler ça, mais le jeûne type ramadan, qui est pas un vrai jeûne parce qu'on recommence à manger la nuit, etc., mais qui est quand même sur une journée, en fait, on supprime un repas. C'est les mêmes effets, ou c'est des gens aussi, du coup, les organismes se sont un peu adaptés à ça? Alors, je pense pas que les organismes se soient adaptés, parce que quand on voit qu'on n'arrive pas à s'adapter à la disponibilité de nourriture, je pense pas que quelque chose comme le ramadan, qui est encore plus récent, parce qu'en plus, c'est pas quelque chose qui est à l'année, c'est juste un mois, donc il y a vraiment très peu de chances que le métabolisme s'adapte à une activité comme ça. Alors après, je vais dire que ça va dépendre du moment de l'année où il y a ramadan. Si c'est les journées... je suis désolée, il y a le chat qui est en train d'essayer de se faire câliner, donc il va un petit peu aller voir ailleurs si j'y suis, le chat. Hein, merci, va ronronner ailleurs. Et donc, ramadan, si les journées sont de soleil sont relativement courtes, enfin, luminosité, la place de luminosité est relativement courte, ça ne va pas être très différent d'une nuit de jeûne. On jeûne toutes les nuits. Oui, d'accord, oui. Mais par contre, quand c'est vraiment en plein été, avec des journées extrêmement longues, le corps peut rentrer en cétose. Après, il ne va pas le rentrer très longtemps. Donc, ça ne va pas nous faire catastrophique. Ce que tu décris, c'est au bout d'un certain temps. C'est typiquement, ça ne nous arrive pas le matin quand on a jeûné toute la nuit. Non. Mais par contre, ça peut arriver si vous n'avez pas mangé à midi. Enfin, si vous avez mangé léger à midi, que vous n'avez pas mangé le soir, le matin... Ouais. Et si on a zappé le petit-déj? Alors, le petit-déjeuner, en fait... C'est le repas le plus important de la journée. Absolument pas. C'est bien connu. Désolé. Non, mais c'est une suite sans arrêt de mythes ou... C'est ça. J'ai décidé de passer les mythes au napalm, je suis désolée. J'ai quand même réussi à dire que la bière, c'était pas... Là, dans ce que tu décris, si j'ai mangé à 20h et que le repas suivant, il est à 13h, 14h le lendemain, je dois être rentré en mode jeûne, quoi. Mais ce qu'il y a, en fait, c'est que normalement, t'as faim avant ça, quoi. Mais j'ai une vie professionnelle, donc du coup, si j'ai pas pris mon petit déjeuner à 9h, je mangerai pas avant 13h. Ok, mais du coup, tu vas produire de l'acétone, et là, je veux pas être en réunion avec toi le matin. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que il y a quand même ce côté-là qu'on a besoin, en gros, toutes les 6-8 heures de manger, sauf la nuit, quoi. C'est un peu ça, mais ça va dépendre des métabolismes, ça va dépendre de ce qu'on a mangé, en fait. Si vous avez fait un repas extrêmement lourd la veille, votre organisme, il est parti pour des heures à utiliser cette énergie-là, quoi. Parce que donc, avant de rentrer en cétose, on va d'abord utiliser tout le glucose, puis tout le glycogène, et puis les acides gras. Je veux dire, pendant que le glycogène est recassé pour faire du glucose, il y a déjà des acides gras qui sont utilisés par les cellules. Hein. Donc, qui font ça tranquillou, parce qu'elles elles rentrent ça dans leurs différents cycles de production d'énergie, et elles s'en sortent avec ça. Quand on en arrive à ce que le cerveau doive utiliser les corps cétoniques, là, on est rentré en phase de jeûne prolongé. Oui, du coup, j'imagine que c'est un peu là où tu vas en venir, donc peut-être que je te grille, mais on ne sait jamais. Du coup, si j'arrive à 10h et que je n'ai pas pris de petit-déj et que j'ai faim, en fait, il faut que je mange plutôt que j'attende midi ou une heure. Absolument. Voilà. Tu viens complètement de ruiner la fin de mon dossier. C'est bon, je vais pouvoir passer de la page 8 à ma citation. C'est cool. Voilà. Vous écoutez Nicolas et vous mangez quand vous avez faim. Bref. Je peux revenir à pourquoi les régimes, c'est... Oui, pardon. Mais alors, pourquoi est-ce que le petit-déj, c'est pas le repas le plus important de la journée ? En fait, parce que c'est vraiment une question de faim. Donc, si t'as... D'accord, si t'as pas faim le matin, ça a rien de bouffer. Exactement. Je suis désolé, on va te couper, mais dans les mêmes trucs. Est-ce qu'il vaut mieux manger avant de faire du sport ou après de faire du sport ? Si j'ai pas faim avant de faire du sport. Ils ont montré que ça n'avait pas d'intérêt. Donc, il n'y a pas d'intérêt à faire du sport à jeun pour taper plus dans ses réserves. Et il n'y a pas d'intérêt à manger avant pour être... c'est vrai en dessous d'une heure de sport. Hein. Au-delà d'une heure, il vaut mieux s'être alimenté avant ou s'alimenter pendant. Ouais, c'est ce que je voulais dire, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de courir pendant longtemps quand je m'entraînais pour des courses. Et quand tu commences à courir une heure et demie, deux heures sans rien à bouffer, tu sens que ça tape. Quoi. Ah oui, oui, oui. À un moment où t'as besoin d'un steak. Quoi. Mais ça, c'est vrai, même si t'as mangé avant. Je veux dire, si tu cours deux heures sans te ravitailler, ça va taper. Quoi. Pour te remettre dans ton dossier, je vais résumer ce que tu as dit avant par Pascal. Donc, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important pour ne pas puer de la gueule. Se brosser les dents, c'est bien aussi. Mais... Ouais, après ça dépend, parce que si vous avez vraiment fait un gros repas la veille, vous n'allez pas avoir faim le matin et c'est pas du tout un souci. Tu rigoles, mais je crois que c'est le truc qu'on pratique le moins en fait. Moi j'ai jamais fait, et des fois j'ai envie de dire, en fait en gros on pratique les repas aux heures fixes et j'ai jamais fait par exemple de dire bon ben ce midi je mange pas parce que je me suis pété le bide la veille quoi, et alors que ça pourrait, parce qu'en effet on n'a pas faim. Oui c'est ça, mais je sais que moi quand je dis je mange pas, j'ai pas faim. Faut que je retienne les gens de s'évanouir, quoi. Mais je peux faire les 4 pages qui restent avant d'arriver à ça. Dossier, mais je sais que t'as 5000 mots, alors bon. Ouais, mais je suis à 8 pages sur 13 là. Bon, j'en étais à quoi ? Voilà. Vous avez brûlé vos meubles en rotin et ça pue. Bon, ça, en fait, ça va être une des raisons des échecs des régimes. Quand je parle échec des régimes, les méta-analyses montrent qu'une personne sur 200 conserverait son poids post-régime. Donc, un tiers à deux tiers des kilos perdus sont repris en une année et pratiquement la totalité en 5 ans. Pourquoi ? Donc, elle étagère. Bah, il y a plusieurs raisons. Hein. Si on perd du poids rapidement, le corps panique, en fait, il se sent en danger. Il va mettre en place toute une série de mécanismes afin de se protéger et de vous faire vous réalimenter. Donc là, ça va être le cerveau qui va agir. Le corps va l'informer qu'il perd de la graisse, qu'il manque de calories. Le cerveau va augmenter la sensation de faim, la volonté de manger, la sensibilité aux odeurs. Vous allez devenir un radar à bouffe. Tout va vous sembler avoir nettement plus de goût. Et tout va vous inciter à manger. Un deuxième mécanisme, si vous avez une volonté en béton armé et que vous avez décidé que non, vous allez continuer à bouffer vos haricots verts avec rien dessus et juste ça, c'est la diminution du métabolisme basal. Et ça, c'est dur. Parce que puisque vous lui donnez moins d'énergie, le corps va devenir plus économe avec ce que vous lui donnez. Donc en plus, votre masse musculaire diminue plus vite que votre masse grasse, donc elle va consommer encore moins d'énergie, et ce même une fois que le régime est terminé. Et donc en plus, le maintien de température va être moins bien assuré, donc vous allez avoir froid. Donc là, vous avez froid, vous avez envie de bouffer, vous êtes fatigué en plus, donc c'est super, vous êtes super agréable. Une étude récente sur les candidats de l'émission The Biggest Loser aux États-Unis, c'est une émission en fait où le gagnant est la personne qui a perdu le plus de poids sur la durée de l'émission, donc je ne sais plus combien de personnes obèses au début, et puis on en élimine, enfin chaque semaine celui qui a perdu le moins est éliminé. Oui, c'est aussi atroce que ça n'en a l'air. Il y avait le gagnant, il a perdu une année, il avait perdu 130 kilos, j'ai vu. C'est ça. Mais c'est de la folie, quoi. Et donc, ça a montré que non seulement la plupart des participants reprennent tout le poids perdu, voire plus, il y en a un qui a repris du poids, puis qui en a reperdu, mais parce qu'il a fait une ablation d'une partie de l'estomac. Mais aussi que leur métabolisme est devenu beaucoup plus économe que ceux des gens pesant le même poids. Donc, ils regrossissent, mais ils utilisent beaucoup moins de calories qu'avant. Donc, le dernier vainqueur, il consomme 500 calories de moins qu'un homme de sa taille. Donc c'est raide. Parce qu'en plus, ça a tellement déréglé son métabolisme qu'il a quand même super faim. Donc voilà. Après, là, on parle de trucs vraiment drastiques. Hein. Je veux dire, on leur fait faire des heures de sport et on leur fait bouffer 3 calories et demie par jour. Ouais, mais justement, pour le coup, là, c'était un régime très basé sur le sport, il me semble. Et l'alimentation quand même. Hein. D'accord. Mais, ouais. Et Koh-Lanta, dans le même esprit, ils reprennent du poids après ou pas ? J'arrête, je te laisse parler. Honnêtement, je vais y arriver à ce truc-là, mais très probablement. Je vais retourner sur les régimes hypocaloriques pour le moment, après on ira aux hyperprotéinés, et puis à la... Donc, à la fin d'un régime hypocalorique, vous avez perdu de la graisse, hein, quand même, je veux dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y aura de la graisse qui aura été utilisée, mais vous aurez perdu du muscle. Et bien, il y a une autre étude qui a montré que tant que la masse musculaire ne sera pas revenue à cette taille initiale, vous allez avoir envie de manger plus. Le problème, c'est que comme c'est le tissu adipeux qui constitue pour l'organisme la réserve fondamentale, c'est lui qui est reconstitué en premier. Donc vous avez faim jusqu'à avoir reconstitué votre muscle, mais c'est d'abord le gras qui est reconstitué. Du coup, avant que vous ayez récupéré tout votre muscle, vous avez restocké plus de gras qu'au départ. C'est ce qu'on appelle le yo-yo. Plus on commence ce cercle vicieux tôt et pire c'est. Chez les adolescents, le risque d'être en surpoids est 3 fois plus grand pour ceux qui ont suivi un régime. Et un seul régime multiplie le risque d'être en surpoids à l'âge de 25 ans par 2 chez les hommes et 3 chez les femmes. Donc, ne commencez pas de régime, ne faites pas de régime, ne faites pas commencer de régime à vos gamins, ne faites pas commencer de régime à vos adolescents. Voilà, si vous devez retenir un seul truc, surtout, ne mettez pas vos gamins au régime. Alors, c'est marrant parce que dans les idées reçues personnellement j'ai, alors j'ai pas partagé avec les autres à savoir si c'était une idée reçue globale, c'est qu'on a l'impression que y a des gens qui grossissent plus vite que d'autres, qui grossissent moins vite, et on se dit un peu inconsciemment que c'est lié à quel point on a mangé quand on était petit ou pas. C'est une grosse connerie. Et tu en sais peut-être rien, et on va passer à la non, suite. En fait, je vois pas vraiment ce que tu veux dire. Donc là, ce que je veux dire, c'est que tu dis grosso modo que grosso modo, c'est un tic de langage, que quand on est si on fait un régime jeune, on va avoir tendance à plus tard et en fait toute sa vie à facilement aller vers du surpoids, de l'obésité. Ouais. Ah ouais, et que donc. C'est à se demander, est-ce que trop donner à manger à son enfant va avoir un impact sur, sans parler de régime, sur la manière dont après il grossira ou il sera en surpoids ou pas ? Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a deux choses. Il y a un aspect physiologique qui est, il va avoir plus d'adipocytes. Là, il y aura un risque aussi. Il sera plus adapté à stocker plus de graisse. Sachant qu'aussi, les adipocytes peuvent devenir extrêmement gros. Hein, donc, on peut quand même grossir, même en ayant été un enfant mince. Il y a donc cet aspect-là. Et puis, il y a un aspect en fait, qui est très comportemental. C'est que faire rentrer un enfant dans une spirale de régime, ça va casser tout son rapport à la nourriture. Donc, j'arrive. J'arrive sur le rapport à la bouffe. Là, d'abord, je vais me faire les régimes hyperprotéinés. Donc, je voulais parler des régimes hyperprotéinés parce que souvent, les gens me disent « Oui, mais je fais ça parce que comme ça, j'ai pas de fonte musculaire. » Donc, on pourrait se dire que ça pourrait être la solution pour éviter que les muscles ne se détériorent. Hein. On va se faire les régimes en sachet et le régime du camp. Hein. Donc, du camp, c'est 3 phases d'amaigrissement et une phase 4 qui doit durer toute la vie. Alors déjà, voilà, le concept de durer toute la vie. Et, sauf erreur, je crois qu'il a été condamné du camp, non? Il a été viré de l'ordre des médecins, par l'ordre, je crois. Des médecins. Mais en fait, il avait déjà demandé sa démission, mais effectivement, il a été radié de l'ordre. Je crois que je l'avais écrit quelque part et puis je l'ai enlevé. Mais pour 2 choses qui sont avoir fait commerce de la médecine et avoir proposé que l'IMC soit une auto-bac ou un truc comme ça. Enfin, un truc pour bien, bien stigmatiser les. D'accord. Les jeunes, donc c'est pas lié à son régime, en fait. Si, c'est lié à son régime aussi, oui. Je crois. Parce qu'il l'a vendu alors que... Voilà, il l'a vendu, sachant que c'est reconnu comme posant des problèmes pour la santé. Donc, pour l'ordre des médecins, c'est pas déontologique. Il y a 4 phases. Et durant la première, il faudrait manger que des protéines dites naturelles, donc c'est pas en sachet. Une deuxième phase où il y a les légumes, mais pas les féculents, donc les glucides. Une troisième où c'est un peu de tout, mais très progressivement, ça peut durer des plombes. Et la quatrième où un jour par semaine, on est supposé manger que des protéines. Donc, dans le cadre des régimes hyperprotéinés en sachet, il s'agit plus souvent de remplacer les aliments classiques par des substituts, hein, contenant quasi exclusivement des protéines. 80% de protéines, très peu de glucides et de lipides. En fait, la perte de poids est extrêmement rapide. Au début, c'est surtout de l'eau qui est perdue. Et puis, la consommation de protéines pures déclenche au bout de 3 jours la production des corps cétoniques. Donc ça, je vous en ai parlé. Le cerveau ne va pas être content. Il y a la mauvaise haleine. Le fait que dans ces régimes-là, il n'y a pas assez de fibres, donc ça va conduire à une constipation. Donc entre l'haleine et ça, on atteint les sommets du glamour. Et même s'il est plus limité que pour les régimes juste hypocaloriques, en l'absence d'une activité physique très forte que vous allez avoir du mal à mettre en œuvre parce que votre corps n'est pas content de fonctionner sans glucose, il vous dit qu'il est fatigué parce qu'il veut manger du sucre, la fonte musculaire aura quand même lieu. Donc on est quand même pendu en fait. En plus, vous allez souffrir de carences en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments, ou alors vous allez les acheter à prix d'or aux gens qui vendent les régimes. Et même s'il est recommandé dans ce régime-là de boire beaucoup pour aider les reins, ils sont très sollicités par l'augmentation des déchets de protéines, le corps va sécréter davantage d'urée et dans les cas extrêmes, il peut y avoir une insuffisance rénale par surexploitation des reins. Donc ça fait cher payer la perte de poids. Et il y a de nombreuses études de population sur les régimes hyperprotéinés qui ont montré que l'augmentation donc, des protéines était liée à un risque de devenir obèse, augmenter les risques cardiovasculaires et la survenue de certains cancers. Donc c'est pour ça qu'on ne voit plus de pub pour SlimFast, en fait. C'est ça. Ça, c'est d'utilité publique, quoi. Voilà. On a interdit les publicités pour la cigarette. On pouvait interdire ceux pour SlimFast aussi. Parce qu'à un moment... Pour le bien de votre organisme et de votre entourage, vous vous tenez éloigné des régimes hyperprotéinés. Merci. Hein, vos reins vous remercieront et vos collègues aussi, ou alors manger des chewing-gums, quoi. Mais non, juste laisser tomber. Peut-être au cas où, donc les régimes hyperprotéinés, c'est ceux où on mange principalement de la viande ou des choses comme ça en fait, ou les sachets hyperprotéinés en fait, ou les sachets hyperprotéinés. En fait, il y a vraiment ce mythe que ça rentre dedans les régimes, je crois, le régime paléo, si je dis pas une connerie, ouais, qui doit rentrer là-dedans ou des choses comme ça. En fait, tous les régimes sont hypocaloriques. Et il y en a quand même un paquet qui sont hyperprotéinés, justement parce qu'il y a cette tentative d'éviter la fonte musculaire. Mais ça va pas forcément être le cas parce que les protéines qui sont dans vos muscles, elles sont disponibles pour être métabolisées là aussi. Donc voilà. Et l'afflux de protéines, le corps le gère pas super bien. C'est pas comme ça qu'on est supposé recevoir notre apport énergétique. Je sais pas si vous avez des questions sur les hyperprotéinés, sinon je vais commencer les compléments alimentaires. Moi, ça va. Ok. Sur les compléments alimentaires, je vais aller très vite, hein, mais les trucs soi-disant miraculeux, les coupes fins, les médicaments détournés de leur usage à des fins d'amaigrissement, en un mot, fuyez. Hein, s'il existait une molécule capable de vous garder mince en mangeant 4500 calories de gâteau au chocolat par jour, on le saurait. Il n'y aurait plus de problème de surpoids ni d'obésité. Ne mettez pas votre santé en danger en prenant des médicaments dont vous n'avez pas besoin. Gardez à l'esprit qu'il y a paquets de molécules qui sont essentielles à votre organisme qui peuvent lui être néfastes en trop grosse dose. Donc, non, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin qui permette de rester mince en mangeant n'importe quoi. Juste rien. Ça n'existe pas. À commencer par l'eau qui est en très grande quantité et dangereuse pour la santé. Hein, je crois qu'on en avait déjà parlé. Oui, mais c'est le cas. C'est tout, n'importe quel truc, en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, qui est-ce qui disait « rien n'est poison, tout est poison », c'est la dose qui fait le poison. Le gars dont le fait de se désensibiliser à un poison est devenu le nom, enfin... Paracels, non ? Ouais, on n'est pas loin. C'est la dose qui fait le poison. Paracels, ouais. Bref. Oui, donc voilà, c'est... sans vitamine A, je sais pas qui a mis ce truc là dans la chatroom, mais je l'adore. Donc oui, voilà, ça va être le cas pour tout, mais il y a rien qui fonctionne, quoi. À part si vous avez vraiment un truc qui est prescrit par votre médecin pour une raison très particulière, je veux dire, si vous avez un déficit en quelque chose, si vous avez un problème thyroïdien, qui provoque une augmentation de poids, oui, prendre vos médicaments pour réguler votre thyroïde va aider à la perte de poids, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, si on n'a pas de problème, on ne prend pas de médicaments. Tout comme si vous êtes malade et que vous vomissez, ça va vous faire perdre du poids, mais ce n'est pas à recommander non plus. Non, c'est ça. Je ne suis pas rentrée dans les comportements boulimiques, anorexiques et vomitifs, mais non. Je parlais même pas de ça, je parlais juste de la gastro ou quoi que ce soit. Ouais, non, mais ça, Joanne vous en parlera s'il veut. Merci. Ouais, je vais revenir à mes produits pas terribles pour l'organisme. Si vous êtes adepte des produits aussi allégés en gras, sachez que ça s'applique juste à un taux de matière grasse qui doit être inférieur à 30% pour pouvoir avoir cette allégation-là. Mais ça peut aussi du coup comporter beaucoup d'amidon pour conserver la même texture, donc beaucoup de sucre. Pop, pop, pop. Non mais tous les aliments sont pas à égalité là-dessus, ça dépend en fait. C'est-à-dire que il y a des trucs light. T'as des trucs light où, de toute façon le gros de l'ingrédient c'est du sucre, donc bon, en parler d'un truc light c'est qu'on se doute bien que ça a été remplacé par quelque chose. Et t'as d'autres choses où c'est un procédé de fabrication qui est un peu différent, non ? Tout à fait. Mais alors en fait, de manière générale, pensons au yaourt par exemple. Il vaut toujours mieux manger l'original que la copie light parce que notre organisme gère pas super bien les trucs où on essaye de lui faire croire que... Enfin, donc genre les yaourts 0% aussi, c'est pas bon. Et la crème fraîche ? Non mais enfin, je sais pas ce que vous avez contre le 30% de matière grasse, quoi. Je veux dire, c'est bon. Non mais je sais pas, je demande. Parce objectivement, c'est à peu près le même goût. Enfin, moi je fais ma checklist, hein, mais dans les oui-dire que j'avais eu, c'était que les produits laitiers, quand c'était 0%, c'était pas totalement absurde et que c'était pas un après, truc qu'on avait remplacé. Les produits laitiers, en fait, on les écrème et donc on peut mettre plus ou moins de gras. Donc là, on n'essaye pas de faire croire. On tape pas un truc pour faire croire que c'est plus sucré, plus gras, machin, que ça ne l'est vraiment. Donc ça, c'est pas problématique. Après, je trouve d'accord, que c'est, la c'est crème des... et les yaourts, c'est juste que t'enlèves plus de gras. Donc c'est ça. Donc à un moment, ça devient de la flotte blanche, hein, pour la crème, mais pardon, enfin, je sais pas. Et amis amateurs de fromage le moins calorique, la concoyote, savourez. Ouais, j'avoue que moi je bouffe juste du fromage sans me préoccuper de ce qui est calorique ou pas, mais on y viendra après. Mais je vais me faire les boissons light quand même. Hein. On a eu une question aussi quand même avant, pardon, oui. Nivounet qui demande que pensez-vous, que pensez des compléments alimentaires orientés sport type BCAA ? Je sais pas ce que c'est, BCAA. Mais... Je sais pas non plus ce que c'est le BCAA. Je regarde si tu veux. Des acides aminéramiques. Free aminoacides, c'est ça. Leucine, isoleucine et valéine. C'est pas des trucs pour faire grossir les muscles, c'est ça ? Non ? Je sais pas. Ça va être des trucs pour. C'est des compléments. C'est des compléments protéinés. De manière générale, c'est toujours moins bien assimilé, ces trucs-là. C'est comme, je veux dire, la vitamine C. On ne peut pas dire grand-chose de mal sur la vitamine C. Quand on en prend trop, on l'excrète. Donc, c'est pas comme la vitamine A où la surdose peut poser des problèmes. C'est un jaune après. C'est ça. Mais on va mieux assimiler la vitamine C du kiwi que de la gélule de vitamine C. Donc, de manière générale, si vous avez besoin de plus de protéines, ben, il vaut mieux consommer plus de protéines, dans la limite de ne pas flinguer ses reins. Et j'ai pas dit manger plus de viande, hein, les protéines, c'est pas forcément de la viande. Donc voilà, de manière générale, je pense qu'il vaut mieux éviter ces trucs-là aussi, mais j'ai pas étudié les compléments alimentaires spécifiques pour sportifs. Donc voilà, je vais pas avoir une opinion tranchée, juste probablement, ben voilà, on l'absorbe moins que la même chose disponible dans la nourriture, parce que ben, c'est ce qu'on a plus l'habitude d'avoir en fait. Je sais pas si okay. Enfin, je sais pas vraiment, je sais pas. Mais voilà. Tu peux passer aux boissons. Ouais. Les boissons light avec des édulcorants. Mais les zéros, c'est mieux que les light. Hein. Grave. Ouais, en fait, les boissons light. Les études ont montré que non seulement elles ne font pas maigrir, mais elles stimuleraient l'appétit pour les choses solides. Donc elles ne seraient pas la cause de la prise de poids, mais elles auraient tendance à nous donner envie de plus manger. Donc les buveurs de boissons light consomment plus de calories que ceux qui n'en boivent pas. Il y a aussi deux choses. Enfin, il y a cette envie de manger plus de choses solides, mais il y a aussi le fait qu'il y a un mécanisme intellectuel qui dit, ben voilà, j'ai pris un Coca Light, donc je peux prendre des frites, quoi. Alors que, bon, bah, non. Et est-ce que c'est pas du même ordre que dire que les consommateurs de cigarettes électroniques fument plus que que ceux qui ne fument pas de cigarettes électroniques? Que c'est juste un aliment de substitution et que finalement, c'est déjà des gens qui avaient des comportements... de type addictif, ouais. Ouais, ben là, en fait, c'est comme... Ils ont montré que les personnes obèses buvaient plus de boissons light, mais il n'y avait pas de certitude sur cause-conséquence, en fait. Est-ce que les personnes obèses consomment plus de boissons light parce qu'elles se disent qu'elles vont être moins jugées si elles prennent quelque chose de light? Ou est-ce que la consommation de produits light les a conduits à une surconsommation alimentaire à côté qui a conduit à augmenter leur poids? Donc ça ne tranchait pas là-dessus. D'accord. L'œuf ou la poule, quoi. Là. Par contre, ça a quand même montré que les consommateurs réguliers de boissons light accumulaient 3 fois plus de graisse abdominale que les non-consommateurs. Donc, mais ça, c'est... Attends, c'est une corrélation, ça, ou c'est une... C'est un constat. Donc je pense qu'on parce est encore bien, bien... Effectivement, je pense qu'effectivement, les gens oui, voilà, qui sont effectivement en surpoids ont tendance à prendre peut-être plus de boissons light. Et c'est pas forcément les gens qui... Ça veut pas forcément dire qu'ils prennent des trucs light et donc qu'ils sont sur quoi, je pense. Enfin, la causalité me paraît bizarre. Oui, c'est ça. C'est un peu trop facile parce que les personnes qui sont obèses ou en surpoids ne consomment pas juste la même chose que les autres, plus des boissons light. Donc, Et puis, tu t'es mis à débunker tout de suite, mais là, tu nous fais le point sur les boissons light, tout ça, et les mêmes chiffres sur les boissons non light. Il n'y a pas de corrélation avec la ceinture abdominale et la prise régulière de boissons non light? A priori, hein, donc, j'avais lu un truc sur est-ce que les boissons sucrées font grossir et la réponse était a priori oui, mais le fait est qu'elles vont déclencher en fait, les mécanismes de sensation de rassasiement. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont minces mais qui boivent énormément de choses très sucrées qui peuvent développer du diabète de type 2 à force justement de pics d'insuline dus aux boissons. Même si on ne va pas avoir l'impression qu'elles sont à risque parce qu'elles sont minces. Je parle de elles, les personnes. Hein, mais, donc voilà, c'est okay. A priori, en fait, oui, vu qu'il y a un apport de sucre, mais que normalement, il y a un vrai apport de sucre. Et donc, il y a des signaux qui sont envoyés au corps pour arrêter, quoi. Parce qu'il a envie, enfin, il a moins besoin de sucre. Tu passes au sport? Chic. Bon, est-ce qu'on peut maigrir en faisant du sport? Ben oui et non. Hein, je sais bien, je suis pénible ce soir, désolé. Le problème, c'est en fait de faire du sport pour vouloir maigrir. ça va souvent entraîner une réaction de surconsommation alimentaire après le sport. En fait, consciemment ou non, on va compenser, voire surcompenser la perte calorique sportive. Voilà, surévaluer, du coup ça arrive régulièrement que les gens prennent du poids en commençant une activité sportive et pas seulement parce que le muscle pèse plus lourd, enfin non, il prend moins de place. Mais donc bah il y a cette histoire de glycogène avec son poids en eau, donc on peut prendre du poids en se musclant. C'est-à-dire si on prend beaucoup de muscles, on va stocker plus, on va avoir plus de place pour stocker du glycogène, on va en avoir besoin de plus pour et donc comme il est stocké avec trois fois son poids en eau, oui, mais on a 350 grammes de glucides dans une personne de 70 kilos, donc on n'est pas non plus dans une prise de poids chez quelqu'un de lambda, hein, je veux dire quelqu'un qui fait vraiment énormément de musculation, qui apprend beaucoup de masse musculaire, oui, va augmenter de poids en muscle. Mais si vous faites juste du jogging deux fois par semaine et que vous avez pris 5 kilos, c'est pas du muscle, je suis désolé. Bon, par contre, même la personne qui prend du poids en se musclant, bah, elle va quand même voir qu'elle mincit à défaut de maigrir en termes de poids. Elle va avoir un corps plus ferme et qui est plus fort physiquement. Alors le sport, ça va avoir d'excellents effets sur votre qualité de vie, hein, les risques cardiovasculaires, la production d'endorphines, votre morale du coup. Enfin, le sport, c'est très très bon pour la santé en général. Mais je ne vous conseille pas de le voir comme un outil d'amaigrissement en fait. Hein. C'est mieux d'en faire une part de votre mode de vie pour bien-être. Et c'est pour ça que c'est plutôt que le dernier sport à la mode, qui est, je pense, en ce moment le running, plutôt quelque chose qui vous plaira et que vous aurez envie de faire de manière régulière. C'est probablement plus efficace. Donc voilà. Et pardon ? C'est très bien le running. Oui, non, mais j'adore ça. Mais c'est juste que si les gens se font. Enfin, quand il y a des gens qui me font ah non, mais moi je me fais chier en courant, ben n'en faites pas, quoi. Trouvez un truc qui vous plaît. Faites de l'ultimate fighting. Ah non, mais si vous voulez faire du Krav Maga, go for it, quoi. Et les histoires du genre, il faut faire du sport plus de 30 minutes pour que ça commence à avoir une utilité sur la perte de poids En fait, à partir de 30 minutes, ça va lancer l'oxydation des acides gras. Donc effectivement, je trouve pas ça tout à fait vrai, parce que de toute façon, faire bouger son organisme aura toujours un intérêt. Mais effectivement, il y a des réactions métaboliques qui commencent après 30 minutes. D'accord. Bon, sinon, il y a Gépif qui dit « Merde, ça partait bien. » On commence en disant que le sucre et le gras, c'est bien. Et là, l'accident, on nous dit qu'il faut faire du sport. Merde. Je voulais rajouter un truc, mais ça m'est sorti de la tête et je n'ai pas noté. Merde. Bon. Ça va me revenir. Ouais, alors si, enfin quand même pour le sport, la musculation c'est le mieux. Hein. Je dis ça sachant que je fais de l'endurance, donc faites ce que je dis pas ce que je fais. Ou venez courir avec moi, hein, j'ai toujours mes baskets. La musculation ça va vous permettre de prendre de la masse musculaire, donc il va consommer plus, enfin votre métabolisme va augmenter, vous pourrez manger plus. Oui, parce que donc ça c'est cercle positif. Si vous avez envie de manger plus, faites-vous du muscle et il va consommer plus d'énergie, quoi. Le meilleur sport, c'est la musculation, quoi. Le meilleur sport pour se muscler, je veux dire, l'endurance va apporter d'autres choses. Pour vraiment perdre du poids et se muscler, ouais, la musculation est excellente. Parce que on crée de la masse maigre qui va utiliser de l'énergie même au repos et ça ne demande pas énormément de temps d'investissement. Sachant qu'encore une fois, moi, je fais de l'endurance. Hein, donc, D'accord. D'accord, donc en faisant juste... de la muscu, oui, ok, tu perds pas tant finalement de calories que ça, c'est juste que tu gagnes de la marge pour des calories que tu peux bouffer. Mais pas seulement, que tu vas consommer aussi, vu que ton métabolisme basal va augmenter parce que t'as augmenté la taille de ton usine à consommation. Enfin, t'as un foyer plus grand, tu peux mettre... T'as besoin de mettre plus de bois dedans pour l'entretenir, quoi. Donc voilà. Alors que l'endurance, ça va plus consommer d'abord votre glycogène et puis qui va être reconstitué, tout ça. Bon, je sens que j'ai un peu déprimé l'assemblée là, en établissant grosso modo que les régimes c'était tout moisi, hein, sauf Gépif que j'ai déprimé en disant qu'il fallait faire du sport. Et donc voilà, on reprend tout le poids qu'on a perdu en faisant des régimes. Là, normalement, il y a quelqu'un qui. Ton Coyote et Guinness, c'était bien aussi. Exactement, mais à partir de là, on a sauvé la journée, quoi. Voilà, normalement, il y a quelqu'un qui va me parler de son cas ou du cousin de la concierge qui a tout perdu et rien repris. Bon, il y a des gens qui gagnent au loto, Donc, s'il y a une probabilité de 1 sur 60 millions peut se produire, 1 sur 200, forcément, on va en croiser. Ça, c'est 1 sur 200, c'est les gens qui conservent leur perte de poids après un régime. Et ensuite, j'aimerais bien distinguer les gens qui maintiennent leur perte de poids en restant dans la restriction cognitive, les gens qui se pèsent tous les jours, qui mesurent chaque calorie qui rentre dans leur bouche, de ceux qui maintiennent un poids qui dit de forme en se nourrissant sans contrôler leur alimentation. Donc la restriction alimentaire, c'est un comportement qui est dangereux sur le long terme et qui est au minimum éreintant, quoi. C'est fatigant de surveiller tout ce qu'on bouffe. Bon, du coup, est-ce que tout mais est alors, vain? C'est-à-dire que je comprends pas, parce que tu dis que c'est compliqué de garder un poids de forme, c'est ça que tu dis? Non, j'arrive. Mais alors du coup, est-ce que ça veut dire que si tu manges à ta faim tout le temps sans faire attention, tu vas forcément être dans une courbe croissante? Non mais je m'en fous, moi je sors si vous continuez à me pourrir la fin de mon dossier. Non, si tu manges toujours à ta faim en respectant tes aliments, tu bouges plus. Non mais, enfin zut, ah mais mon effet quoi. Oh, bon, du coup d'accord. Je passe à la suite sans faire mon petit effet de transition, tant pis. Pardon, bon. C'est pas grave. Bon ben votre organisme, voilà, il est doté d'un excellent outil qui vous détermine votre besoin alimentaire, et c'est juste bêtement et simplement la faim. Voilà. Donc la faim, c'est une sensation qui se produit quand le niveau de glycogène dans le foie tombe sous un certain niveau. Et souvent, ça arrive avant le désir de manger. Bon, bah, une des premières étapes de la réconciliation alimentaire... En fait, ce que je voulais dire dans ma transition qui a été toute gâchée, c'est que, ouais, non, en fait, il y a quand même moyen de perdre du poids et de ne pas le reprendre. Voilà. Mais que la clé, c'est en écoutant sa faim. Mais personne ne fait rien que me spoiler ici. Donc, voilà. La première étape pour les gens qui ont fait beaucoup de régimes, c'est d'apprendre à ne plus avoir peur d'avoir faim. J'ai souvent lu dans des trucs de régime qu'il fallait manger avant d'aller à une soirée ou d'aller chez des gens pour ne pas se jeter sur les choses. Les gens qui sont en restriction cognitive, ils mangent avant de ressentir la faim, comme si ça allait libérer les démons qui se nourrissent de chocolat, de pizza, de bière et rayer la mention inutile qu'en coyote. Alors oui, c'est effectivement le cas chez les gens qui s'interdisent des aliments sous prétexte qu'ils sont mauvais et qui veulent manger que des aliments bons. Alors il y a soit l'orthorexie qui est les aliments sont sains ou pas sains, soit la restriction alimentaire de ça va me faire grossir, j'en ai très très envie, mais oh là là non, ça va me faire grossir, et ça c'est bon pour la ligne. À partir du moment où vous autorisez à manger ce que vous voulez, strictement ce que vous voulez, vous aurez beaucoup moins de mal à arrêter. Si vous dites que c'est la dernière fois que vous mangez du Nutella et jurez demain vous n'en mangerez plus jamais, votre cerveau il va faire « Ok, c'est bon, non, mais là on se fait le pot, quoi. » Alors que si vous vous dites « Je referme, il sera toujours là demain », vous allez vous rendre compte que franchement, enfin, c'est pas terrible. Les pâtes à tartiner, il y en a des vachement meilleures que le Nutella, quoi. Voilà, il faut sortir de ces comportements de manger ce qui est bien, d'avoir l'impression qu'il faut se comporter bien de manière alimentaire. La faim, c'est facile à reconnaître, quoi. On sait qu'on a faim. On a le ventre qui fait craou. Je fais super bien le ventre qui fait craou. On a l'estomac qui crampe. Et quand vous mangez à ce moment-là, mais tout est tellement meilleur. Je veux dire, le plaisir que vous avez à manger, il est à son apogée. Quand on dit que la faim, c'est le meilleur des assaisonnements, c'est pas juste une vue de l'esprit. Vous avez l'odorat qui est vachement développé et tout vous paraît vraiment meilleur. Et en fait, cette sensation-là, elle diminue au fur et à mesure que vous mangez. Donc c'est ce qu'on appelle le rassasiement. C'est l'extinction du plaisir alimentaire. Et à ce moment-là, ça sert à rien de commencer à grignoter d'autres trucs en espérant pouvoir retrouver ce plaisir. Il faut juste attendre d'avoir à nouveau faim. Donc ça, c'est vachement facile à faire quand on est chez soi. Je veux dire, il y a des trucs super pratiques qui s'appellent des frigos. Si vous avez fait un super bon gâteau au chocolat, une fois que vous avez l'impression que c'est juste un truc un peu tiède et que ça vous apporte plus grand-chose comme plaisir en bouche, attendez d'avoir à nouveau faim, vous inquiétez pas, il sera toujours aussi bon, mais il sera toujours là. Donc voilà, on a la chance de ne pas être en période de guerre et la bouffe ne disparaîtra pas de votre frigo. En fin de repas, on est supposé être rassasié. Ça ne veut pas dire avoir les dents du fond qui baignent, hein. On n'engage pas élégant. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'aliments qui pourraient vous provoquer du plaisir, que vous avez atteint ce qu'on appelle l'état de satiété. Ce n'est pas l'estomac trop plein. C'est quand quand vous avez mal au ventre en vous levant de table, c'est que vous avez dépassé tous les signaux de rassasiement. Hein. Et quand on a pris l'habitude de manger quand on n'avait pas faim, parce qu'il est 13h et qu'il faut qu'on aille manger, ou... Enfin, soit on a attendu pendant 2 heures à en avoir des vertiges tellement on a faim, soit bah, en fait on n'avait absolument pas faim, mais bon, on va bouffer. Bah, ça demande un peu de temps à réapprendre, en fait. Hein. Prendre le temps de se demander si on a faim et de quoi on a faim aussi, et prendre le temps de manger bêtement, en fait. On dit que c'est important. Ça, pour le coup, c'est un mythe qui est vrai, parce qu'il faut le temps que... Enfin, le tissu adipeux, notamment, va produire une hormone qui est appelée la leptine, et ça va envoyer au cerveau le signal que c'est bon, il peut fermer la boutique alimentaire, ça va quoi. La nourriture a été fournie, tout va bien. Alors, le respect de vos sensations de faim et de satiété, ça va vous permettre d'atteindre votre poids dit de forme. Donc non, en mangeant normalement, on n'est pas voué à la courbe, à prendre du poids indéfiniment. Normalement, si vous avez l'habitude de trop manger, si la sensation estomac trop rempli qui tiraille... c'est quelque chose de courant. En respectant les sensations de faim et de satiété, vous allez perdre du poids. Parce que si vous avez l'estomac qui vous fait mal, vous mangez trop pour votre organisme. Alors après, ce poids-là, ça peut ne pas être celui qui vous fait rêver, ou celui qui donne une taille 34, ou celui que vous aviez quand vous aviez 16 ans, ou 20, ou 30. Mais de la même manière, on n'est pas tous profilés pour courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, même en s'entraînant. Tout le monde n'est pas naturellement extrêmement mince. Voilà. Si vous voulez perdre du poids, le mieux, c'est de trouver finalement le mode de vie qui vous permet d'avoir le corps dans lequel vous vous sentez bien. Parce que quel que soit le poids de départ, vous pouvez devenir très mince et musclé en faisant des heures de sport par jour. Hein. C'est le truc du Biggest Loser. Les gens sont obèses et puis ils deviennent tout secs et tout musclés. En faisant des heures de sport par jour, en restreignant son alimentation. Après, c'est une question de est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez la possibilité de maintenir ça toute votre vie ? À partir du moment où la réponse est non, c'est quelque chose qui conduira irrémédiablement à une prise de poids quand ce sera plus possible. C'est la même chose pour Koh-Lanta. Je veux dire, à partir du moment où il y a plus que 500 calories à bouffer par jour et qu'on n'est plus obligé d'aller crapahuter dans la forêt, le machin, le truc pour trouver sa bouffe, forcément il va y avoir une reprise de poids. Et puis c'est normal parce que l'organisme veut reconstituer ses réserves parce qu'il ne sait jamais, vous pourriez le renvoyer sur une île déserte à bouffer des larves. Hein. Je comprends, moi non plus, je ne le prendrais pas bien. Il y a un autre truc qu'il faut virer au passage, c'est ce qui semble très ou de loin une injonction. Hein, ça, c'est terminer son assiette, ne pas manger entre les repas, ne pas sauter un repas. Vous pouvez foutre tout ça au bac, hein. Vous mangez quand vous avez faim. Voilà, vous arrêtez quand vous avez plus faim et ça veut dire quand la nourriture elle vous semble vachement moins bonne. Voilà, donc, je veux dire, hors problèmes médicaux spécifiques ou des règlements profonds du métabolisme par des années de régime drastiques, et c'est pas que le métabolisme, c'est aussi le psychisme qui est vraiment à reprendre en main, parce qu'effectivement, je vois pas mal de gens qui ont peur de la nourriture, peur d'avoir faim, qui savent pas quoi bouffer, quoi, qui se font absolument plus confiance. Votre organisme, c'est ce dont il a besoin. Vous, et oui, vous allez avoir l'impression au début que vous avez... Il y a des gens qui me disent qu'ils ont tout le temps faim. C'est pas vrai. Ils sont tout le temps obsédés par la nourriture. Parce qu'ils sont tout le temps en restriction cognitive par rapport à la nourriture. C'est normal. Je veux dire, à partir du moment où on dit à l'organisme « Non, ça t'as le droit et ça t'as pas le droit », les choses qui sont interdites deviennent intéressantes. C'est le pot de confiture dans le placard, quoi. Mais ça peut se déconstruire. C'est vraiment possible. Et en France, il y a notamment le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids qui détaille très bien ça et qui a une liste de praticiens qui peuvent vous aider à renouer avec vos sensations. Quoi. Donc ça peut permettre de mettre fin au cycle de restrictions et compulsions alimentaires pour réapprendre à profiter de la nourriture. Ça ne va pas forcément vous faire perdre 30 ou 40 kilos. Hein, mais pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Non, bien. Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Acronyme, c'est gros. Voilà. Ou GROS, hein, suivant comment on le prend, mais c'était volontaire. Ouais, c'est le gros. On a une question très sérieuse de Jeanne. Ouais, après, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller les voir à cause de ça. Je trouve ça un petit peu triste. Donc, j'ai tendance à donner le nom complet. Et voilà, je pense que déjà, pour les gens qui sont au régime depuis qu'ils sont gamins, pouvoir se réconcilier avec l'acte de manger, c'est déjà un grand pas, quoi. Parce que oui, voilà, on peut parler des gens qui ont envie de perdre 2-3 kilos, même 10, mais il y a des gens pour qui le poids, c'est une véritable souffrance, quoi. On a une question dans la chatroom, désolé de t'interrompre, de John Duff qui demande « Du coup, on peut manger non-stop parce qu'on a faim, un petit peu, mais tous les quarts d'heure ?» Alors, en fait, un quart d'heure, ça va être trop peu quand même. Après, ça dépend ce qu'on appelle un petit peu. Enfin, oui, techniquement, je pense qu'il devrait y avoir moyen. Enfin, je comprends le... Limite, ça donne envie d'essayer, quoi. Mais c'est pas comme ça que marche la société ? Non, c'est ça. Et en fait, il faut savoir, parce qu'il y a aussi des gens qui sont stressés par rapport à ça et qui vont faire « Ouais, mais du coup, je vais pas manger avec ma famille. » Et parce que se nourrir, c'est un acte social aussi. Je l'occulte pas du tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ça va se réguler à peu près tout seul sur les ordres pas normales, quoi. Comment ça se fait que ça s'interrompt, que ça se cadre sur les ordres pas? Parce qu'il y a des pays où tu... Par exemple, en Thaïlande, ils ont beaucoup... Enfin, les ordres pas qu'on a en Occident sont beaucoup moins obligés. Enfin, en gros, ils peuvent manger jusqu'à de 2 à 5 repas par jour en fonction des journées. Et ils n'ont pas particulièrement d'ordres pas comme nous, aussi fixes que les nôtres, en tout cas. Aussi... Oui, mais en fait, du coup, probablement que la nourriture est différente aussi. Je veux dire, si on était axé sur 5 repas par jour, on les ferait différents. D'accord. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va, on a ce concept qui est un peu de se caler. Quand on petit déjeune, on veut se caler jusque midi, souvent. Alors qu'en fait, bah, si on n'a pas envie, on peut aussi manger plus léger et prendre une collation à 10 heures, et manger à midi, et prendre un goûter à 4 heures, et puis souper, oui, parce qu'en plus, en Belgique, on soupe, on ne dîne pas. Et voilà, je veux dire, il n'y a pas... Ça a l'air un peu flippant comme ça, mais c'est le corps est designé pour nous dire ce dont il a besoin. Et peut-être qu'au début, il va crier chips et chocolat, mais il peut très bien crier brocoli, quoi. Non, c'est pas une blague. Oui, bon, d'accord, je suis peut-être bizarre, mais voilà. Moi, ça m'est jamais arrivé, perso. Ouais, ben moi si. Je veux dire, j'ai un vrai truc avec les brocolis. Mais les choux de Bruxelles aussi, mais ça, on va dire que c'est génétique. Donc voilà. Mais ça, c'était un truc auquel je voulais arriver. Je peux continuer ? Oui, on t'écoute. Là, j'arrive à la fin. Oui, vas-y. Donc justement, c'est l'impact de la nourriture sur le corps, en fait. Si vous avez, comme moi, des allergies alimentaires, vous savez que vous êtes conditionné à refuser tout ce qui contient de cet allergène. Bon, vous allez le traquer dans les plats qu'on vous propose au resto. Vous allez poser systématiquement la question. Il y a des poivrons dans votre sauce ? Ouais, moi, c'est les poivrons. Oui, voilà, je suis bizarre, mais tout va bien. Et sans aller jusqu'à l'allergie, il y a certains aliments qui vont vous faire vous sentir bien et d'autres pas. Alors, je ne parle pas de virer dans une forme de « ça, c'est un aliment sain et ça, c'est pas sain ». Non, je parle de ce qui vous fait vous sentir bien, vous, et ce qui vous colle dans un état léthargique. Et ça, c'est pas la même chose. Mais si vous observez ce que l'alimentation provoque chez vous, enfin, ce que différents aliments provoquent chez vous, vous allez pouvoir trouver la meilleure manière de vous alimenter. Et c'est pas la mienne et c'est pas celle de votre voix. C'est vraiment ce dont votre organisme a besoin à ce moment-là de votre vie. Voilà, j'arrive vraiment à la fin. Son résumé, j'espère que vous savez maintenant comment votre corps utilise l'énergie que vous lui donnez, en vous alimentant, pourquoi il en a tellement besoin, que vous savez pourquoi les régimes hypocaloriques ne servent à rien, que les échecs répétés ne sont pas le fruit d'une faiblesse ou d'un quelconque manque de volonté, mais bien un mécanisme de survie du corps humain. Et je vous souhaite un très bel été dépourvu de tout régime hyperprotéiné. Merci. Merveilleux. Je vous en prie. On a pris plein de choses. ouais, carrément, il va falloir revenir, hein, parce que par contre, y a encore plein de choses à apprendre, j'ai l'impression. Je peux faire 2 heures sur le gras. Et c'est passionnant, le tissu adipeux. Mais si, je jure. Donc, ouais, je sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on en a. Je crois qu'on les a posées au fur et à mesure, en fait. Je peux revérifier en cherchant à PS, mais je crois qu'on les a eues. Ouais. Ah non, c'est coupé. Ah, je sais plus si on a posé celle-là. Gépif qui demandait, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des comportements à risque qui peuvent pas s'empêcher de manger, même sans avoir faim ? Il y a plein de gens qui mangent sans avoir faim. D'accord, oui, en fait, oui, non, enfin, même moi, en fait, si, ça m'arrive, effectivement, oui, c'est pas forcément des comportements particulièrement anormaux. Oui, c'est ça, je veux dire. Enfin, après, ça arrive de se faire péter le bide, oui. Il y a les comportements vraiment. Qui sont des maladies mentales, telles que la boulimie, où là, bah, je veux dire, les gens peuvent s'envoyer un paquet de pâtes sèches, une plaquette de beurre. Voilà, là, on parle pas de se faire une montagne de tartines. La pâte à tartiner est sympa, quoi. C'est Pardon, je viens de voir le dessin de Pouillot et ça me fait beaucoup rire. Et donc pour les auditeurs, il y a un nouveau dessin de Pouillot. Les nouveaux régimes tellement plus efficaces. J'ai perdu 10 kilos en une heure seulement. Ouais, je me suis fait couper une jambe. Demain, j'enlève le bras. Merci Pouillot. Donc voilà, en fait, oui, la majeure partie des gens mangent sans avoir faim. Et c'est vachement moins bon, en fait, hein, quand on réapprend à manger quand on a vraiment faim. D'ailleurs, c'est un truc que vous pouvez constater chez les gens qui sont minces depuis toujours et naturellement. Les rares fois où ils mangent à s'en faire péter le bide, c'est quand ils sont chez leur tante Hortense qui fait super bien à bouffer et qu'ils savent que c'est une fois par an, quoi. Et c'est pas parce qu'ils sont consciemment en train de se restreindre tout le reste du temps, mais là, ils savent que c'est pas quelque chose auquel ils vont avoir accès facilement. Je veux dire, le Nutella, à part si demain il y a un effondrement de la noisette et de l'huile de palme, et je suis même pas sûre qu'il reste de la noisette dans le Nutella, il y aura encore du Nutella demain, quoi. Je veux dire, à part les trucs que voilà, c'est votre grande tante Hortense qui en fait une fois par an parce que elle fait sa super galette des rois que pour l'épiphanie, vous pouvez en bouffer. Jusqu'à Noël finalement. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a des trucs comme ça. Je veux dire, à votre anniversaire, bouffez pas trop haricots verts vapeur, quoi. J'ai rien contre les haricots, c'est super bon, mais c'est le genre de repas où vous pouvez abuser un peu. Et alors, clairement, si vous n'avez pas faim, ça arrive souvent que par exemple, les gens se sont fait un super gros repas de famille et le soir, ils ont la flemme de se faire à bouffer pour une raison toute conne qui est qu'ils ont absolument pas faim et donc ils vont commander des pizzas. Comment dire ? C'est add insult to injury, quoi. Vous avez déjà... Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à penser que c'est pas bien de sauter un repas, quoi. Ouais, mais avec ce que je t'ai dit maintenant, pourquoi t'as l'impression que ce serait pas bien de sauter un... Non, avec tu m'as dit oui, bien sûr, mais c'est plus de manière générale. Moi, c'était plus, il faut absolument, quitte à manger quasiment rien, manger un petit truc, quoi. Oui, c'est ça. Et ben en fait, que dalle. Voilà. Faut laisser son organisme gentiment digérer tout ça, et puis le lendemain, t'auras faim et tout ira bien, quoi. Et il y a donc Gépif qui nous dit, c'est Gépif, pardon, Broussicor qui nous dit qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi qui fait que tu n'as plus de sensation de satiété. Ou dur. Mais c'est un truc génétique. Donc c'est si on a un problème sur le chronomome 15. D'accord. Alors je vois qu'il y a une question sur ce que je fais. Alors ce que je fais en fait n'a rien à voir avec ça, donc je ne vais pas en parler. Mais j'ai une formation d'ingénieur agronome spécialisé en technologie alimentaire. Donc voilà pourquoi je peux parler de bouffe pendant des plombes. Et j'ai fait mon mémoire sur la lipolyse, donc sur le comportement des polluants organiques persistants lors de la lipolyse. Donc je peux parler de gras pendant des plombes aussi. Super, ben merci beaucoup. Je vous en prie. Tu feras la retranscription de ton épisode ou... J'ai le dossier là. je rigole. On passe au pitch. Donc la semaine prochaine, on reçoit Léo de Dirty Biotechnology et Lucille Étienne qui est géographe et donc qui vient nous parler. Donc je ne sais pas si vous avez vu l'émission de Dirty Biotechnology, Les origines de la richesse, où l'on avait appris plein de choses quant aux déterminants de l'évolution de deux sociétés insulaires dans leur quête de richesse. Et donc, la semaine prochaine, on s'est dit qu'on pourrait peut-être revenir sur quelques concepts utilisés, évoqués ou sous-entendus lors de cet épisode et aller un peu plus loin. Donc, pour cela, on reçoit donc Léo Grasset et Lucille Étienne, qui sont donc biologistes et géographes, qui viendront discuter de l'évolution des sociétés humaines dans leur environnement changeant, du catastrophisme associé au réchauffement climatique ou encore de l'influence des biais cognitifs sur nos perceptions de ces changements. Et ce dit en passant, il s'est beaucoup inspiré dans sa vidéo des travaux de Jared Diamond, et dont on avait fait un épisode aussi, l'origine du succès des espèces, ou je sais plus quoi. Mais... L'origine des succès, pas des espèces, des civilisations. Des civilisations, pardon. Et donc voilà, n'hésitez pas à le réécouter en introduction avant la semaine prochaine. C'était l'épisode, je vous le retrouve, le numéro. Tant que tu retrouves, Stéphanie va nous dire si elle a fait son job. Oui, pardon, il faut une citation ? C'est ça. Oui, alors j'en ai une, hein. J'en ai même plusieurs. Mais épisode 124, pardon. Désolé, je t'ai coupé. Sur l'origine du succès de certaines civilisations, donc, qui était un vieux dossier qu'on avait fait sur le livre de Jared Diamond qui s'appelle comme ça, je crois. Je ne suis pas sûr, mais qui parle de ça. De l'origine du succès de certaines civilisations sur d'autres. Je t'en prie, Stéphanie. Ok. Alors, j'ai choisi celle du comédien américain Joe Lewis. Je me suis mis au régime. En 14 jours, j'ai perdu presque 2 semaines. Parce que c'est à peu près tout ce qu'un régime vous fera perdre du temps. Non, c'est pas vrai, il va vous faire perdre de l'estime de vous. Enfin, sans des doute amis, un peu d'argent. De l'argent, surtout ah de l'estime. De l'argent, j'en sais rien. Bah, si tu payes des compléments alimentaires à la con, oui. Tout ça. Donc, souvent, ça implique d'acheter des produits, tu vas chercher des machins un peu chers, tout ça. Donc, C'est mon deuxième tic de langage. Alors, bon, plug, un petit plug, je ouais. Je sais pas si vous avez entendu au début de l'émission, donc Nico a parlé d'un site internet qui vend des livres audio, et donc on a décidé, donc on voulait vous prévenir, donc on avait décidé de lancer pendant quelques épisodes un partenariat avec un site qui vend des livres scientifiques audio qui s'appelle De Vive Voix. Donc on a été voir le site, c'est une initiative qui nous plaît pas mal, ça a été lancé par des scientifiques, donc c'est l'astrophysicien Lachiezeray qui l'a lancé, qui est un astrophysicien de l'Observatoire de Paris, et les livres sont souvent lus par des grands noms de la science français comme Villani, Serge Haroche ou Alain Aspect, et donc on trouve que c'est parfaitement en accord avec la ligne du podcast, et en plus ça nous permet de faire un peu d'argent pour financer de nouveaux projets sur le podcast. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur ce partenariat, si vous trouvez ça bien, pas bien. Voilà, donc ça fait beaucoup de publicité pour un seul épisode, mais je vous rassure, les autres fois, on se retrouvera surtout d'en parler au début et à la fin. Et sauf erreur, je crois qu'il y a même un livre audio gratuit, si vous voulez vous rendre compte de ce que c'est, qui est en plus sur le sujet de la semaine dernière, c'est-à-dire sur le paradoxe EPR. Non, il n'est pas donc, gratuit. Il n'est pas gratuit. Mais il y en a à zéro. Si, pardon, t'as raison, moi aussi. Oui, c'est bizarre, d'accord. Oui. Enfin bon, bref. Vous vérifierez. Il me semble que Einstein et la mécanique quantique est à 0€, donc ça vous permet d'avoir une idée. Il y a en effet plein d'auteurs, etc. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Non, c'est Einstein et la relativité qui est gratuite. Einstein et la relativité. La mécanique quantique est payant. Donc il y en a au moins un en tout cas qui a l'air intéressant et qui est gratuit. On n'a pas encore beaucoup eu le temps de l'écouter. En tout cas, faites-nous vos retours. C'est la première fois qu'on tente ce genre de choses. Ça a l'air d'être en tout cas une super initiative s'il y a très peu de livres audio comme ça en français et de plateformes surtout un peu indépendantes qui proposent ces genres de livres. Donc faites-nous des retours. Voilà. Donc on espère que vous avez appris plein de choses dans cet épisode. Je te remercie beaucoup Stéphanie d'être venue. Donc, comment est-ce que vous avez appris pour être le plus beau ou la plus belle sur la plage cet été et que vous avez compris comment ne pas tout reprendre ou comment ne pas en venir à se détester ou à détester bouffer. Si vous avez aimé cet épisode ou si vous pensez qu'il y a des gens que ça peut intéresser, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Google+, SoundCloud, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Twitter, voilà. Et voilà. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission sur la géographie humaine avec Léo de Dirty Biology. Voilà. Et donc, maintenant, je lance donc le petit pitch pour les livres audio. Donc, retrouvez les meilleurs livres audio de science sur devivevoix.com. Écoutez le prix Nobel Serge Haroche ou le mathématicien Cédric Villani vous raconter leurs expériences dans des enregistrements inédits. Bénéficiez d'une réduction de 30% grâce au code podcast sur devivevoix.com. De Vive Voix, des savoirs qui vous parlent. Et que servir la science soit votre joie.